J'ai dit oui, ça me plaisait, puis j'aime beaucoup faire un livre à Esquira. Puis après, j'ai vu que ça s'appelait Les Sentiers de la Création. Je ne dis pas que ça m'a fait le froid dans le dos, parce que je ne suis pas tellement frégeur, mais ça m'ennuyait, je suis très poli. C'est un titre. Alors, je parlais un peu des sentiers, de la création, proprement dite. Parce que moi, au fond, je crois toujours à ma jeune expérience. Quand j'étais enfant, on m'expliquait les créations. Par la suite, toute réflexion faite, j'ai trouvé que ces explications étaient une connerie. Alors, le mot création ne me fait, je sais pas grincer les dents, mais enfin, c'est pas une chose qui est fort agréable. Bonsoir, bonsoir. Donc, Bulle de Rêve en direct, bien sûr, sur Radio Libertaire. Libertaire, si je commence à parler, c'est Jacques Prévert qui me... Voilà, je prends la voix de Jacques Prévert. Cette manière de parler un petit peu, vous avez entendu, donc c'était bien Jacques Prévert qui va nous accompagner pendant quasiment tout le long là des deux heures, pas complètement, mais vous allez voir avec des petites choses et on va en parler, qui parlait de la création et donc de la difficulté de définir le mot création et même des choses qui ne l'intéressaient pas forcément. Et juste avant, c'était voilà, on a commencé avec Jacques Prévert, Strauss et Kubrick, hein, l'ouverture de 2001. Donc voilà, avec du lourd, pour parler, on va dire, un peu aller de liberté d'expression, mais dans sa vision la plus large possible, puisqu'on va parler de la liberté d'expression à la télé, comment passer une série à la télé pour les enfants et qu'elle soit pas, qu'elle soit un petit peu originale, jusqu'à la liberté d'expression dans un pays où en ce moment il n'y en a pas du tout, qu'est la Syrie. Donc voilà, on va un petit peu voir tout ça. J'ai déjà deux de mes invités dans le studio, qui sont Delphine Maury, bonjour, qui donne des studios. Bonjour. Qui donne des dossiers comme ça, on va en parler un petit peu. Et Mélanie Duval, bonjour Mélanie. Bonjour. Qui va, toutes les deux vont, on va discuter avec elles de leur projet, elles travaillent pas mal pour la télé, on va voir les plaisirs et les difficultés de travailler pour la télé, hein, les deux. Je suis un tout petit peu embêté parce que la troisième invitée, qui est Yasmine Fanari, donc réalisatrice syrienne, et normalement doit arriver bientôt, et j'ai laissé dehors Rémi, puisque Florentine, vous le savez, ne travaille plus avec nous, donc il y a Rémi qui attend dehors. Le problème, c'est que là, normalement, on est censé lancer l'agenda de Rémi pour le début de l'émission, et qu'évidemment, je ne peux pas faire sans lui. Donc, je suis en train de me demander, c'est du direct, c'est pas mal, est-ce qu'on lance d'abord la petite musique d'après? Mais en fait, c'est un petit peu embêtant, donc... Qu'est-ce qu'on pourrait dire entre-temps ? Moi, je vais avaler mon chewing-gum et puis je peux parler si tu veux. C'est vrai ? Ouais. C'est trop génial. La création, est-ce que c'est un mot qui est compliqué ? Tiens, on va commencer. C'est dur, là. Mais ça va être hyper intello, en fait. Mais non, c'est Jacques Prévert. Ah, t'as entendu ce qu'a dit Prévert ? D'accord. C'est toi qui fais quelque chose sur... J'écoutais pas ce qu'il disait, parce que j'aime beaucoup l'écouter, mais... Sur Prévert. Écoute, là, moi, je sais pas, parce que je crée rien. En l'occurrence, je fédère des envies de créer. T'écris ? Non, j'ai pas... Non, en tout cas, sur Prévert, je vraiment, c'est juste... C'est né d'une envie, d'une rencontre avec la petite fille de Jacques Prévert. Et des gens qui travaillent avec elle aussi. Et j'ai mêlé plusieurs choses, une envie que j'avais depuis quelque temps de voir faire des films d'animation sur des associations d'idées, parce que j'adore regarder les gens dessiner et que j'avais envie de ça. Et puis quand j'ai rencontré Anne Remlinger qui travaillait avec Eugénie Prévert, je lui ai parlé de cette envie-là et assez vite on s'est dit mais pourquoi on ferait pas ça avec des poèmes de Prévert. Et le projet en sortant de l'école, qui a pour ambition de réunir 13 jeunes réalisateurs qui sortent de l'école sur 13 courts-métrages de Prévert avec des techniques d'anime différentes, est né comme ça. Et aussi, évidemment, la chose la plus importante, c'est que ça peut exister parce que la télé a dit oui pour ce projet-là. Ok, alors je t'arrête, on va en parler juste après. On va juste laisser rentrer, normalement, on devrait arriver juste là dans 5 secondes. Voilà Yasmine, on les fait rentrer. Merci beaucoup. Donc bonjour Yasmine qui est là, donc voilà, en direct. Et Rémi, bonjour. Donc et Yasmine et Rémi. Et Rémi, on va te demander de faire un truc incroyable. On va demander de faire l'agenda là, alors que t'es à peine. Le temps de sortir mes feuilles. Voilà, il est même pas déshabiller. Et déjà, je lui demande de faire son agenda. Je te remercie infiniment. Tu auras le temps de souffler, en fait, dans 5 minutes. Merci beaucoup, Rémi. C'est à toi pour l'agenda de l'animation. On va commencer avec un festival qui est presque fini, donc il faut se dépêcher. Le Festival international des très courts. C'est dans 17 pays, 80 villes en France, pendant 9 jours, et donc jusqu'au 5 mai. Cinéma Armaille à La Réunion, je vais en parler, même s'il n'y a peut-être pas grand monde qui nous écoute à La Réunion. C'est pas une raison, vas-y. Ouais. C'est du 3 au 7 mai, donc à Saint-Denis, pas Saint-Denis près d'ici, mais là-bas. Il y aura... Excusez-moi, je débarque, donc je lis un peu mes feuilles. C'est très dur ce que je te fais faire, je suis d'accord. Il y aura une projection du Jour des Corneilles en présence de Jean-Christophe Dessin, qui est invité et jury du festival. Et il y aura un atelier avec Laurent Maillot et un ciné-concert Grand Matin, Soleil, Il Lève. Je dois très mal prononcer, désolé ami réunionnais. Je te laisse faire. Qui est donc fait par Eric Xouri. Et il y aura la Petite Fabrique du Monde, un programme de l'AFCA. Les Biennales internationales des arts de la marionnette. Du 14 mai au 3 juin à Paris, Pantin et dans d'autres lieux d'Île-de-France, il y aura 3 expositions, 26 spectacles et une vingtaine de compagnies venues de tout pays d'Europe. Le sujet qui fâche, le Festival de Cannes. Du 15 au 26 mai, donc à Cannes. Ouais, pourquoi t'en parles ? Parce que c'est la 66e édition, ouais. Ça n'a échappé à personne que 66, c'est le chiffre du diable, et pour l'occasion, il n'y aura aucun film d'animation dans la sélection officielle. C'est vrai, mais il y en a un quand même. Il y en a un, ah, ouais. Oui, qui est, alors je crois que c'est l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, ouais. C'est le congrès d'Harry Folman. Le congrès d'Harry Folman qui avait réalisé Valsa avec Bachir, en effet, il y aura un film d'animation, quoi. Et pas de film de femme non plus, je crois un film de femme en compète officielle, donc de toute façon, ouais, voilà. Tout ça tombe bien, il y a que des femmes autour de la table, et ils font de l'animation, donc il y aura. Il n'y en aura pas à Cannes, on en a ici, c'est bien mieux. En tout cas, ils arrivent à me faire regretter Madagascar 3 qui avait fait ouverture l'an dernier. Alors que je n'étais pas forcément très enthousiaste. Catastrophe. Ce festival est... Enfin bon. Allez, passons à des vraies choses. Au Forum des Images, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre qui s'appelle Défense d'aimer. Il y aura un film comportant des images d'animation avec l'avant-première de Météora de Spiros Tatoulopoulos. Ouais, je t'arrête parce qu'en fait, c'était hier. C'était avant-hier, donc malheureusement. Ah bah j'ai pas la date. Ah voilà. Oui, c'était jeudi, pardon. C'était l'ouverture et malheureusement j'ai loupé, mais un film très beau paraît-il en effet. Pas grave, on peut se rattraper avec Les Après-midi des enfants au Forum des Images. C'est autre chose. Le 8 mai, il y aura Barbouille et compagnie, un programme de cours tchèque et suédois. Le 15 mai, Le Tableau de Jean-François Aiguilloni. Le 18 mai, La Panthère Rose de Fritz Freleng. Et le 25 mai, Azur et Asmar de Michel Oslo. Alors j'ai une info qui est passée à Crocanime. Il y aura Nature et écologie, 2 séances de court-métrage autour de ce thème-là, ouvert au jeune public, en famille et aux grands. Il y aura 2 séances, donc le 11 mai, à l'auditorium du Carré Baudouin à Paris, dans le 20e, à 13h30 et à 15h30. Bon, c'est bon, Sylvie, il a fait ça. Oui, voilà, son annonce, il est obligé de travailler pour Crocanime, donc il est obligé de le faire, l'annonce. C'est fait, c'est bon. On va passer à l'hybride. Alors, c'est un programme qui s'appelle « Tout n'est une ». Qu'est-ce que c'est ? C'est un programme en fait avec Nancy Phelps notamment. Voilà, et donc lui a notamment écrit la musique de Stas in the Blues. Il a aidé en tout cas pour la musique qui n'est pas domaine public. Et c'est tout un programme, je te coupe, mais c'est tout un programme en fait sur la musique et l'animation. Ça commence depuis en effet Tex Avery des premiers jusqu'à les derniers films récents, Love and Theft, par exemple, DK2, ce genre de choses. Donc ça peut être assez intéressant pour ceux qui peuvent y aller. Ouais. Donc ça sera le 24 mars 2013 à 20h30 à l'Hybride à Lille. Ciné Coquin, anciennement les Nuits Coquines. C'est au cinéma Le Festival à Bègles du 24 au 25 mai. Donc ça sera toute une nuit de court-métrage autour du sexe et de l'érotisme. En effet, Yasmine, très intéressant. C'est la deuxième édition. Il y en a une l'année dernière qu'ils avaient fait avec Food Anime. Et donc voilà, donc c'est la deuxième édition, en effet. Deux expositions. Le Jour des Corneilles, donc ça sera jusqu'au 31 mai à l'École des Gobelins à Paris. Donc il y aura des croquis, des designs de personnages, des études, des recherches de décors, des storyboards, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa, avec une trentaine de panneaux. Ensuite, une exposition qui ne plaira qu'à ceux qui sont nés dans les années 80, sur les traces des mystérieuses cités d'or. Non, je ne ferai pas de commentaire. Oh, me regardez pas tous. C'est parce que je suis pas né dans les années 80 d'abord. Hein. Vas-y, continue. Jusqu'au 27 mai. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les cités d'or. Donc Mais oui, mais je. Donc jusqu'au 27 mai au musée des arts asiatiques Guimet, dans le 16e arrondissement. Et je ne sais pas si ça parlera de la saison 1 ou de la saison 2. La saison 2, je ne l'ai pas encore vue, elle n'a pas l'air très belle. La saison 2, tu veux dire quoi, la saison 1 et la saison 2 ? Des Mystérieux Cités d'Or. Mais la saison 1, c'est celle qui a passé il y a... Oui, la vieille saison. Mais non, parce que la vieille saison, si tu te souviens bien, ça se passait où ? Ça se passait, comment dire, en Amérique du Sud. Et voilà, et le musée Guimet, c'est le musée des arts asiatique. Donc, ah, c'est vrai. Possible. Donc ça ne peut être que de la seconde saison qui se passe en Asie, où visiblement ils ont fait un très bon... Ah bon, merde, pardon. Je savais pas, moi, que ça se passait en Asie. Bah, je suis désolé. Donc, ça se passe en Asie. Ils ont fait un très beau boulot, paraît-il, d'ailleurs, par rapport à ça. C'est pour ça que le musée Guimet s'est associé, parce que, évidemment, ils ont fait des vraies recherches historiques. C'est bon. Les ateliers. Il y aura une lecture de scénario du 6 au 17 juin, où je prends un petit peu d'avance, au Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Ce sera sur la façon dont on évalue le potentiel d'un film à la télé ou du cinéma. Ça donne envie. Donc pour plus d'informations, parce que j'en ai pas beaucoup, il faut écrire à formation.courte@ceea.edu. Ouais, comme ça, vous n'avez pas noté l'adresse, par exemple. Allons-y. Un colloque, les archives et acteurs du cinéma d'animation en France. Ah ouais, ça c'est du lourd. Oui, alors ça sera du 30 au 31 octobre à l'INHA, donc ça fait un petit peu loin, ça sera en plein milieu de la fête d'animation, mais on peut envoyer une proposition pour une intervention de 20 minutes et une discussion de 10 minutes ensuite jusqu'au 31 mai. Donc si on veut participer. C'est du sérieux, hein, c'est du lourd. Il y a Sébastien Roffa, il y a pas mal de... Il y a Marie Prévost de l'Aspe. Qu'on a eu, et il y a aussi, j'ai honte, la troisième. Sébastien Denis, Chantal Duchet, Lucie Mérigeau. Lucie Mérigeau, qui est là. On a eu quasiment tout le monde autour de cette table. Et voilà, c'est les nouveaux intellos de l'animation. Les nouveaux théoriciens de l'animation. Qui s'appelle d'ailleurs le comité scientifique. Voilà, ça va tout dire. Mais c'est bien qu'il se passe des choses comme ça. Si les gens commencent à réfléchir un peu sur l'animation, je passe à Alexis. Alors, les sorties cinéma. Il veut m'énerver, c'est pour ça. Oui, je vais t'énerver. One Piece Z. Ah, le truc de la Gardère à la con. Là, ouais. Oui, parce qu'en fait, je dis pas la Gardère, parce qu'évidemment. Non, justement, j'ai marqué que j'en parlais pas parce que tu allais l'insulter. On parle pas de la fondation de la Gardère, qui est une fondation. Enfin, peut-être que la fondation c'est un truc, mais bon, Jean-Luc Lagardère, c'est quand même un enfoiré. Donc, tout ça, ils ont quand même vendu des armes, etc. etc. Donc, normalement, on n'en parle pas. Mais on sait, ça fait bien parce qu'ils donnent de l'argent à côté de ça aux gens de l'animation. Donc, les gens de l'animation sont contents. Et on dit ça, enfin, voilà. Vas-y, continue. Donc, je reprends les sorties cinéma. One Piece Z ou Z, je ne sais pas. C'est un film de Tatsuya Nagamine qui sort le 15 mai. Apparemment, c'est l'adaptation d'un manga. Oui, One Piece, c'est un manga. En effet, super célèbre. Mais t'étais où ? Tu connais les Mystérieux Cités d'Or et pas One Piece. C'est un super bon manga. Bon, alors, Delphine dit que ça soit un manga. Elle aime un peu tout. Vous allez voir. Mais... Ok, vas-y, continue, Rémi. Bon, moins bien quand même, le 22 mai, ça s'appelle Épique, la bataille du royaume secret. De Chris Wedge, ça a l'air d'être le... Chris Wedge, celui qui a fait Ice Age, l'âge de glace. C'est bien ce que je dis, ça va pas être terrible. Ouais. Enfin, c'est le gros truc. C'est le gros truc. C'est le gros truc du mois, il y aura toutes les affiches sur les arrêts de bus. C'est déjà le cas, ouais. Un DVD, Paul Duff, le dompteur d'images. Il vient de sortir, je crois que ça sera plusieurs de ses films, dont Les belles histoires de l'oncle Paul, et une compilation de... d'invention et d'humour, m'a-t-on dit. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations là-dessus. J'en avais déjà parlé, le livre recueil de dessins d'Anne-Laure Totaro, qui nous a quittés en 2011, est enfin sorti. Ouais, ça. Donc, je ne sais pas si on peut le trouver dans toutes les librairies, mais on peut au moins se renseigner auprès de l'association Les Pieds de la Sardine. Je pense qu'on peut trouver... Ouais, vous regardez sinon sur Internet, en effet. Il y avait une souscription en fait, pour le livre, pour que le livre soit fait. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de l'acheter maintenant, mais je pense que oui. Oui, ouais. Je pense. Et je ne sais pas si je vais faire ma rubrique diverse. J'ai un community de l'AGRAF qui soutient la candidature de Pascal Mirlot à l'Assemblée Générale de la SACD. C'est ça intéresse peut-être pas grand monde. Mais moi, je suis à l'AGRAF et je défends aussi la candidature de Pascal Mirlot. Ok, pourquoi ? C'est qui ? Eh ben, t'entends pas du tout là, t'as pas de micro. Il va nous représenter à l'AGRAF. Moi, je suis un peu nulle dans ce genre. Non, mais... Mais oui, parce que je le connais et que c'est très bien. Ouais, c'est un directeur d'écriture d'animation. Donc quelqu'un qui connaît l'animation et qui va donc défendre les gens de la télé. Oui. Ok. Plein de choses. Absolument. Ok. Bah tu vois. T'as failli pas la faire. T'as fait te faire engueuler. De rémunération des scénaristes. Voilà. Très bien, qu'il faut défendre et soutenir. Tout à fait. Et pour finir, la circulation d'un programme qui s'appelle Drôle de créature et qui a été élaboré dans le cadre du festival Ciné Junior pour la 23e édition en février 2013. Et le truc auquel je ne pense jamais, je vais dire aux gens qu'ils peuvent m'envoyer leurs infos à l'adresse sitafka@gmail.com. Redis-le d'ailleurs pour la peine. sitafka@gmail.com. Tu veux dire S-I-T-E-A-F-C-A, tout attaché. Voilà. Attends, c'est bien joué. Hein. Et tout ce que j'ai dit est évidemment retrouvable dans l'agenda de l'AFCA. Et plus, même les... Les trucs inutiles comme la Fondation Lagarde, voilà. Des trucs comme ça, enfin voilà. Mais ok, merci beaucoup, Rémi. On va faire une petite pause avant de repartir, avant de parler de tout ce dont on a parlé. On écoute la piste 3, qu'on enchaîne avec la piste 4, ce qui nous fait quasiment 4 minutes 58. Et on se retrouve juste après ça. Merci Nicolas, à tout de suite. Sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. Tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture. Et en bateau à voile. Itinéraire. Il était très tard et très tôt. Le métro roulait vers la porte de la chapelle. Il n'y avait personne, sauf deux. Et la première parlait à la seconde personne, d'une troisième personne, qui était, à l'entendre, un oiseau. Elles descendirent sur la Trinité et sur le quai, sans la saluer, croisèrent une autre personne qui avait une queue et des cornes et devait descendre à la fourche. Est-ce que vous avez l'intention de, un jour, de recommencer à travailler pour le cinéma ? Pour le cinéma ? Oui. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Hein ? Oui. Si j'ai l'occasion de travailler un jour, vous... quelque chose qui me plaise. Mais j'ai longtemps travaillé, comme on dit, pour le cinéma. Vous l'avez transformé ? Le temps, non, mais le temps joue d'une autre façon dans le cinéma, aussi. C'est plus pareil. Et moi, j'étais... surtout artisans du cinéma. On me demande souvent, tiens, vous n'avez jamais fait de film d'avant-garde? Je dis, non, c'était mon métier, je faisais du cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'un métier? Qu'est-ce que c'est qu'un art? Hein? C'est toujours des questions. C'est le monde est rempli de questions, vous savez, auxquelles il est difficile de répondre, même si on se les pose à soi-même. Mais vous savez très bien qu'à votre éruption dans le cinéma l'a transformé. Vous avez apporté éruption, un nouveau ton. Oui, vous avez apporté le Vésuve aussi a fait éruption. Hein? Non, mais je ne suis pas un volcan, vous comprenez? Non, mais attends, là, moi, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais aucune différence entre écrire un livre, travailler pour un film, me promener, dire des choses très désagréables à quelqu'un que je déteste. Il y a peut-être des gens qui me regardent que je n'aime pas du tout. Moi, je les regarde. Et je leur dirais des choses très désagréables si je les voyais, mais j'espère qu'ils m'entendent. Et beaucoup de choses agréables pour un tas de gens, des inconnus que je connais quelque part, je ne sais pas où. Moi j'aime beaucoup, surtout les femmes et les enfants. Voilà, c'était donc la voix de Prévert, toujours Bulle de rêve. On va parler, donc vous avez Yves Montand, évidemment, en sortant de l'école, qui donne le titre au projet de Delphine Marie. On va en parler de suite. Et cette vision très humble de Jacques Prévert, et notamment par rapport au cinéma, j'adore quand l'éruption et quand il dit oui, le Vésuve aussi. Hein. J'adore ça. Enfin voilà, je trouve ça très, très, très agréable et très d'entendre ce genre de choses où. À la fois de se prendre au sérieux, mais pas trop de se prendre au sérieux. Est-ce que c'était quelque chose d'important? Est-ce que ça, c'était une philosophie de Prévert était derrière tout ça, Delphine? Ou c'était les mots de Prévert qui étaient là importants dans leur poésie, on va dire? Non, surtout moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est la rencontre et le fait de pouvoir faire quelque chose avec sa poésie, de la mettre en valeur autrement. En termes de philosophie, ce à quoi j'ai vraiment envie qu'on colle, c'est à l'esprit dans lequel il a été toute sa vie de mettre le pied à l'étrier de jeunes artistes. Alors comme j'ai une mémoire un peu d'éponge, enfin de fougère, enfin de pas très grosse, je peux pas dire quels jeunes artistes il a aidé leur naissance, mais je peux dire que j'imagine que le projet en sortant de l'école, en tout cas, est fidèle à ce qu'il aurait aimé faire, parce que c'est ce qu'on va essayer, c'est de promouvoir via ses courts-métrages des univers graphiques de jeunes réals qui, s'ils avaient voulu le faire eux-mêmes tout seuls, ça leur aurait pris certainement des années dans leur cuisine. Et là, non, on va faire. On va peut-être pouvoir faire émerger 13 jeunes talents d'un coup, c'est assez génial. Donc l'idée, c'est de proposer à toutes les écoles du RECA, dont on a déjà parlé ici, le réseau des écoles de cinéma et d'animation, un certain nombre de poèmes, de chansons, enfin voilà, de textes de Prévert. Les étudiants s'en emparaient au moment où ils sortent, donc ils sont dans leur dernière année, on va dire, au moment où ils sortent, et ils vous envoient un dossier... sur un de ses poèmes, d'adaptation d'un de ses poèmes. Voilà. Mais écoute, là, tu me reçois, on vient de passer la première phase de sélection. Donc effectivement, on leur a proposé 50 poèmes de Prévert qu'on a sélectionnés dans l'esprit qu'ils allaient pouvoir passer à la télévision dans une case jeunesse. Ça n'a pas été une mince affaire. Parce qu'évidemment, donc le projet, il est pour France Télé à terme. Donc on a bien lu tout ça avec Pierre Siracusa. Et on a viré tous les poèmes antimilitaristes. Les poèmes dans lesquels il était question de pute, de sang, de très grande misère, et tous les poèmes anticléricaux aussi. Donc il a fallu en retirer beaucoup. Par chance, il en reste énormément. Beaucoup de poèmes d'amour. Et on a proposé aux étudiants de nous faire une sorte de petite note d'intention de Réal sur le poème qui les touchait le plus. À terme, si je peux faire un peu des stats pas trop chiantes sur ce qu'on a reçu, les élèves concernés par le projet Oreca, ça faisait à peu près 520 étudiants en fin d'année, avec des profils très divers, puisque Oreca, il y a des écoles qui proposent des formations en 2 ans, d'autres qui récupèrent des gens après des tas d'années et qui proposent des formations en 5 ans. Donc on a vraiment voulu s'adresser à tout le monde, et c'est très important parce que tout le monde a participé. Et les stats, c'est qu'on a reçu 90 dossiers. Et nous, dans la première sélection, on en a choisi 30. Et d'ici la fin du mois de mai, on va en choisir 13 sur ces 30. Est-ce qu'il y a, pas une frustration, mais est-ce que justement tous ces poèmes anticléricaux, tous ces poèmes un peu plus adultes, est-ce qu'il y a une envie à un moment donné d'en faire une autre fournée? Parce que c'est important chez Prévert, en absolument, plus, toute cette, sûr que je vais cette pas... prose, enfin, voilà. Toute cette... Carrément. Tous ces, bah, tous je vais pas textes. Cacher qu'on a super envie que ce projet drague les gens de la télé et qu'ils se disent et on pourrait aussi faire de la poésie pour les adultes, etc. Là, ça passe par une case jeunesse parce que c'est mon univers et que mon éclaireur à la télé est Pierre Siracusa et qu'il bosse pour la jeunesse. Mais à terme, évidemment que ce serait salutaire que les adultes se disent mais nous aussi on veut des courts-métrages sur des poèmes plus adultes, parce que s'il y a bien un truc qui se marie, j'y avais jamais pensé avant, c'est la poésie et l'anime, parce que on est exactement dans tout ce qu'il peut y avoir comme invention autour de la symbolique des mots et tout. Enfin, c'est un mariage d'une évidence incroyable. On entendait le poème que Prévert lui-même disait là dans l'extrait. En effet, on l'imagine de suite facilement en animation sans absolument. Aucun problème, quoi. Après, sur les 90 dossiers, qu'est-ce que je peux faire comme stat? Je crois qu'il y a eu un tiers, il y a eu 44% de garçons qui ont participé, donc pas tout à fait 50. Et dans les 30 sélectionnés, on a 9 garçons. Donc on n'a même pas un tiers de garçons à terme. Il y avait qui dans le jury? Alors dans le jury, il y avait Pierre Siracusa et Tiffaine de Ragnel, qui travaillent tous les deux à France Télé, dirigent l'unité jeunesse. Il y avait Eugénie Prévert, il y avait Thierry Berti, mon associé, et moi. Donc sur 5, il y avait 3 femmes et 2 hommes. Donc, et on a plus de... C'est une grande discussion qu'on avait. On a 3 femmes qui font de l'animation autour de la table. Et c'était... On a fait 2 émissions déjà sur femmes et animation, en se demandant pourquoi il y en avait autant dans les étudiants et que finalement, on les perdait quand on arrivait dans le monde professionnel, ou en tout cas qu'elles n'étaient pas forcément des postes de réalisation ou des postes très, très hauts. Et on se disait qu'il y avait peut-être une des possibilités, c'est que finalement, il y avait assez peu de productrices. Alors, un peu plus en série télé. Mélanie, oui, je sais pas, mets-toi un peu plus devant le... Si, il y a des... En animation, il y a en des... En série télé, plutôt. En série télé, bien sûr, mais... il y a des productrices. D'accord, parce qu'il y en a peu en cours. Parce qu'à part Dora Vénissoulio et Wendy Griffiths de Dark Prince, on en a peu. Et il y a Corinne Desnotes de Folle Image, mais on en a finalement assez peu. Attends, il y a Corinne Destombes, il y a... Destombes, pardon. Il y a Corinne Destombes, il y a Atimto, il y a... Donc, en série, oui. Oui, en série. Oui, en série, il y a, je pense, à Eve Baron, à Goen, à Futuricon, il y a 2 productrices qui gèrent les... Sherman, mais pourtant, on en a... Prima Linea. Oui, tout à fait. Pourtant, on n'a pas l'impression que l'image de la Corinne femme, Cooper même. Chez Tim Too, enfin, il y en a des femmes. L'image de la petite fille, finalement, elle change pas tellement dans ces séries-là. Mais arrête pas. Ça dépend des séries. Ah oui. Oui, sauf que les Silettes, on va en parler, sauf qu'elle n'est pas encore faite. Je ne dis pas que les choses n'ont pas changé, mais. Ou Nini Patalo, par exemple, ce qui est une gamine qui passe son temps à se gratter le nez, qui est en t-shirt et en pantalon. Lila Lili, mais. Il y en a quelques-unes, mais c'est quand même pas encore. Il y a une association aux États-Unis qui s'appelle Sea Jane, donc qui dit en effet, qui dit bah si les petites filles voient autre chose que des princesses, elles voudront être autre chose aussi, et qui a pour l'instant sur il y a à peine un quart des héros dans les séries qui sont finalement des filles, et les trois quarts sont des hommes, des garçons. C'est parce que souvent ce qu'ils disent, c'est que les filles regardent les séries pour garçons, mais que les garçons ne regardent pas les séries pour filles. Donc c'est quelque chose qu'on s'entend souvent dire, c'est qu'une série girly a moins de chance qu'une série avec du poil, de la bagarre et d'accord. Tout ça. Mais ceci dit, c'est pas aussi déséquilibré que ça, mais voilà. Les choses changent, en tout cas, on va dire, pour voir changent, le côté positif, et on va voir... Voilà, que ce soit au niveau de l'écriture et de la production, il y a des vraies volontés de changer dans l'image de la maman, l'image du papa, enfin, de plus justement avoir la maman dans la cuisine et le papa sur son canapé à lire son journal. Tout ça change, hein, quand même. Donc, lentement, mais ça change. Même pas un tiers de garçons, c'est parce que leur projet était... Justement, ne correspondait pas finalement à la poésie. Ils n'ont pas une fibre poétique. Non, je peux pas dire ça parce que dans les critères de cette première sélection, ils ont été vraiment purement artistiques. On a regardé les dossiers, on a regardé les dessins, on a regardé aussi les approches des poèmes. Et c'est vrai que si on s'est laissé guider beaucoup par les univers graphiques des étudiants, il y en a au moins une douzaine qui ont été retenus parce que leur concept et leur approche de l'adaptation des poèmes nous avait subjugués, et même si graphiquement tout n'était pas tout à fait là, on les a quand même réservés. Donc je peux pas dire qu'on ait eu une approche fille garçon quoi. Et l'autre truc qui nous a énormément surpris, c'est qu'après cette journée de délibération, quand on a fait les tableaux à XL en reclassant les trucs par école, par exemple, moi j'ai été hyper soulagée de voir qu'on avait tapé dans toutes les écoles du RECA quasiment. C'est-à-dire que sur 21 écoles du RECA, il y en a deux qui n'ont pas participé au concours, et donc ça fait 19, et sur les 19 qui ont participé, il y a deux écoles qui ont eu des dossiers dont les dossiers n'ont pas été sélectionnés du tout, et donc c'était une de mes grandes angoisses. Et il y a eu quoi, donc ça veut dire que ça en est tranquille à ce niveau-là, au niveau du style aussi, il y avait vous avez essayé de panacher un ouais, peu absolument. Qui était le style, bah ça c'était c'était une des envies, c'est que graphiquement on puisse surtout représenter toutes les techniques d'anime, d'ailleurs quelles que soient les inquiétudes budgétaires que ça entraînait. Mais moi j'ai demandé à ce qu'on se réfrène pas du tout là-dessus. Toutes les questions de faisabilité, on va se les poser aussi dans la sélection des 13 à terme évidemment. Mais pour l'instant, on s'est barré dans toutes les techniques. Il y a beaucoup de 2D, beaucoup de trucs hybrides 2D et 3D. Assez peu de choses en 3D, là j'avoue j'ai pas les chiffres comme ça. On a des tas de trucs en papier découpé, il y a un dossier complètement barré qui rend hommage au découpage de Prévert. Il y en a où il y avait même pas vraiment de graphisme, on a demandé qu'ils se présentent aux entretiens de fin mai avec un peu une proposition un peu moins confuse que celle qu'on avait, mais parce que ce qui est pas évident quand même pour dire aux gens, ils sont souvent la plupart du temps dans leur film de fin d'études pour ouais. une grande partie, donc évidemment c'est pas évident de prendre ouais. du temps à ce moment-là. Ah bah nous on a trouvé ça exceptionnel de recevoir 90 dossiers, ça veut dire qu'il y a quasiment un enfant, alors je les appelle les enfants, alors il y a un étudiant sur 5 pardon, ça fait vraiment vieille mémé, il y a un étudiant sur 5 qui a répondu, ce qui est faramineux quand on voit le boulot qu'ils ont et les contraintes qu'ils ont. Sauf ouais. qu'il faut voir que par rapport à pas mal, allez, je peux me permettre de le dire, oui. Pas d'arnaque, mais en tout cas de plus en plus maintenant de concours un peu bidons qui se passent. Et voilà, Canal G était super intéressant à une époque, mais il y a plein de gens qui sont mis dans cette mouvance et t'es fou, enfin voilà, genre de choses qui font des concours un petit peu où on essaie de récupérer du talent et finalement il n'y a pas grand chose après, sauf des fois pour Canal G un petit cocktail à Annecy. Alors bon, les élèves aiment bien ça, mais voilà, là il y a vraiment d'un seul coup sur les 30, il y en a 13 qui vont être choisis, ils vont aller à Fontevraud, ah, ils ouais. vont travailler à Fontevraud pour reprendre leur scénario et ils vont être payés normalement, oui. et ils vont voir leur court-métrage fait dans des conditions professionnelles et ensuite diffusé. Donc ouais. je pense que ça attire c'est pas mal de monde, Mélanie. Hein, c'est incroyable. Ouais, non, puis c'est, aussi... c'est vrai qu'il y a beaucoup ouais. de concours, genre concours YouTube, tu gagnes la joie d'être sur YouTube, c'est super. Non, et l'autre truc, c'est je pense qui est hyper important, c'est que je suis allée dans toutes les écoles et mine de rien, c'est un tout petit peu différent de lancer un concours où on a rencontré tout le monde plutôt qu'en mettant une affiche dans un couloir. Ça a contribué à faire qu'ils n'étaient pas si impressionnés que ça, et voilà, aussi. Bon, t'as pas la liste complète ? Si, si, t'as un truc comme ça. Et alors après, le truc à Fontevraud, alors ça, c'est juste incroyable. Ça, c'est bien, donc, Fontevraud, avec Xavier Cavatopor. J'y suis allée une journée, là, avec Pierre Siracusa, pour qu'on voit un peu les conditions de logement. Bah, je peux vous dire que, moi, ça m'a dressé les côtelettes, hein. Parce que je me suis vraiment, enfin, c'est tellement un lieu sublime. C'est tellement... édifiant vraiment, enfin je suis pas du tout, je suis une mécréante et tout ça, mais là d'être dans une abbaye comme celle-là, c'est une abbaye en plus qui a une histoire très rigolote parce qu'elle a été montée par un fils de curé quand même, qui a organisé, qui a voulu toute sa vie confronter les hommes au désir pour voir un peu comment ils tenaient la route, et donc il a monté cette abbaye qui était la première abbaye mixte au XIIe siècle et où il y avait justement trois fois plus de femmes que d'hommes, donc on va rester dans la logique de l'abbaye de Fontevraud. Et qui était dirigée par des femmes pour aussi mettre les hommes à l'épreuve sur leur rapport au pouvoir. Alors, donc ça va être un moment où on parlera, il y a une très très belle, en octobre de nouveau, il y a la deuxième édition de l'écriture dans le cinéma d'animation qui va avoir lieu à Fontevraud. Et bon, comme j'y participe, j'ai déjà vu un peu un pré-programme, il y a des très très belles choses, ça va être très lourd, mais voilà, très très chargé, mais des choses très très intéressantes qui vont se faire. Alors moi, il y a plein de noms que je connais, et je me demandais comment on fait pour avoir, moi ça m'a épaté, je suis évidemment ravi, il y a des gens, il y a des femmes comme Marie Le Chevalier, Alice Ringo, qui sont de l'ESAT, donc qui sont, voilà, hein, l'ESAT, Mélanie nous dira, parce qu'elle vient de l'ESAT, donc on en parlera. Je les connais bien. Ah, voilà, donc ça, je suis ravi évidemment pour elle. Et puis on va continuer avec les gens de l'ESAT, mais qui sont partis dans d'autres. On a, donc elles ont 2 ans seulement, on va dire d'école. On a Marine Blin qui a fait l'ESAT, qui a fait l'EMK, qui a fait la Poudrière. Super Marine, dossier. Voilà, Marine, elle est déjà venue ici. Donc voilà, il y a Marie Renaud qui a fait aussi l'ESAT. Je me demande si tu n'avais pas. Voilà, qui avait fait le bon, avec Mélanie, on sait qu'elle avait fait le court-métrage sur un rêve. Enfin, il y avait. Je ne sais pas si tu te souviens. souviens. Enfin bon, elle est à Superinfocom Valenciennes. Clément de Ruiter qui est, oui, au, qui est au Gobelin. Voilà, tu bien, vois, parce que tu l'as. Tu avais même défendu le projet. Mais oui, bien tout sûr, à fait, je voilà. me souviens très bien. Clément de Ruiter qui est au Gobelin après avoir fait l'ESAT aussi. Excellent. Et excellent. Donc il y en a plein qui viennent de l'ESAT. C'est plutôt bien. Mais comment on fait pour choisir entre, en effet, voilà, entre Alice et Marie qui ont 2 ans, alors que Marine Blin, elle a 7 ans. Elle a fait plein d'écoles, ça doit être difficile pour juger. Bah écoute, là, on n'en est pas là. Mais déjà pour les 30, déjà pour ces 30-là déjà. Ah, mais je non, parle mais... pas des 13, ah, non, mais déjà là, mais alors là, on n'a pas du tout choisi en fonction des écoles. On a regardé les dossiers, on s'est laissé embarquer. J'ai pas dit ça, j'ai dit comment on fait pour... C'était une... Parce que... Il y a forcément pas une maturité, mais il y a forcément des choses qui sont différentes entre les dossiers pour quelqu'un qui vient à peine de finir. Non, pas du tout. Il y a des gens qui ont beaucoup d'études derrière eux, qui sont pas cuits et qui sont passés parfois totalement à côté de la lecture d'un poème d'amour de Prévert. Donc il y a pas de vraiment, il y a pas de critères. Je le redis, on s'est laissé guider par ce qu'il y avait dans les dossiers et vraiment à la fin, on regardait les CV en disant voilà, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent et tout ça. Mais d'ailleurs, ça nous a fait marrer. Il y a un polytechnicien dans la sélection mais on n'a pas. Moi, je suis hyper touchée d'avoir des gens de Sainte-Geneviève et de l'ESAT, parce que vraiment, voilà, et ça me tracasse parce que Estienne n'a pas voulu participer au titre qu'ils étaient un DMA et en disant de toute façon tous nos étudiants vont partir dans d'autres écoles. Et ben c'est super triste parce que peut-être que dans leur classe il y avait des gens qui auraient fait des choses touchantes comme l'ont fait d'autres. Et puis il faut que les DMA se rendent compte, le monde de l'anime change et c'est vrai qu'il va y avoir des gens qui ne vont plus faire d'école. Par la suite, donc ce genre de choses au contraire peut être intéressant pour les gens qui ne font pas d'école et qui vont pas continuer. Nous on n'a pas fait d'école par la suite. Voilà, donc il y a aucune raison. Bac+2, c'était très bien. Et je pense qu'on va revenir à ça justement un petit peu plus qu'avant parce qu'il y a tellement de monde dans l'anime aujourd'hui, on en reparlera, mais ça devient tellement bouché, ça devient tellement énorme que justement les gens vont vouloir sortir plus tôt pour pas avoir à faire et dépenser des milliers d'euros pour faire des années d'études. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a même des poèmes qui n'ont pas été choisis. Oui, sur les 50 poèmes, il y en a 6 qui n'ont pas été choisis. Et d'ailleurs, là, on les avait prévenus, mais comme il y a des histoires de doublons, évidemment, parce que même s'ils ont 90 personnes, ont abordé 46 poèmes, et il a fallu qu'on propose pour départager les étudiants d'autres poèmes qui n'ont pas été choisis et qui sont quand même des incontournables de Prévert, genre page d'écriture. Qu'est-ce qu'on leur a proposé d'autre? Je sais plus. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être changer de... Oui, c'était la règle du jeu au début. On leur a dit, il se peut qu'à terme, vous ne réalisiez pas le poème sur lequel vous avez trippé. Et l'ultime sélection va avoir cette complexité-là que d'une part, il faut qu'on fasse une collection Prévert et que, voilà, je sais qu'il y a un poème et un dossier qui nous a... Enfin, il y a un dossier sur un poème qui nous a embarqué, qui est Je suis comme je suis et qui est typiquement avec un graphisme avec des femmes à poil. Enfin c'est sublime et c'est à la fois drôle et touchant. Et on était vraiment en débat en disant oui, mais c'est important de montrer aux enfants, de dire aux enfants qu'on peut être comme on est et par la voix d'une femme en plus. Et s'adresser aux enfants, c'est pas que leur parler de cours de récré, de glace à la vanille et tout ça. Donc, mais bon, les débats sont pas terminés là-dessus. Hein, mais donc maintenant, ça va être l'oral. On sera les 13 heureux bénéficiaires à Annecy, c'est ça ? À Annecy, exactement. À la conférence de presse de France Télé, on annoncera les 13. Comme on fait pas de la télé-réalité et qu'on n'est pas là pour humilier les gens, on va évidemment les prévenir. On va les prévenir juste avant pour qu'ils puissent venir et qu'on leur fasse boire un coup. Mais on va pas annoncer. Enfin voilà, on va pas. L'oral, c'est quand? L'oral, ce sera vraisemblablement entre le 31 mai et le 3 juin. On va réunir ça sur 2 jours et les faire venir tous. Et on s'est rendu compte, voilà, on va passer 20 minutes avec chacun. C'est pas beaucoup, mais c'est difficile de trouver du temps pour tout le monde pour faire ça. Voilà. Bon, bonne chance à tous. Allez. Et puis moi, comme je suis là de toute façon, je dis bonne chance à ceux que je connais, Macaré de l'MK, qui était aussi de l'ESAT. Marie-Renaud, voilà, Valenciennes. Marie Le Chevalier, Alice Ringo, bien sûr, de l'ESAL. Clément de Ruiter, j'en ai déjà parlé. Bien sûr, Marine Blin, qui est déjà venue ici. Après, il y en a en fait, par exemple, de la MK, je connais pas leur nom, parce que je suis nul, je suis pas un très bon prof et j'oublie les noms. Voilà. Et puis, ceux qui n'ont pas été choisis, vous inquiétez pas, vous avez aussi beaucoup de talent. Carrément. La plupart du temps, je vous connais pour la plupart, vous avez beaucoup de talent et donc, bon, voilà, ça fait partie des concours aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un truc un peu spécial, mais je vais écrire un mail à chacun de ceux qui n'ont pas été choisis, aux 60, pour leur expliquer en quelques mots, même si c'est bref, pourquoi leur dossier n'a pas été choisi. Mais parce que je pense que ils ont mis beaucoup de cœur, c'est hyper touchant, les choix des poèmes, ce qu'ils ont mis d'eux-mêmes, vraiment bravo. Bon, bah en tout cas c'est un très très beau, je voulais en parler parce que justement on a tellement de choses un petit peu bizarres, enfin on a toujours plein de concours, hein, on se demande où ça va, qu'on profite avec toutes les écoles qu'il y a aujourd'hui, que c'est vrai qu'enfin avoir un concours qui peut proposer, puis surtout moi je vais vous dire, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'il peut proposer de sortir justement uniquement des productions télé, et même si c'est important les productions télé, on va en parler, on peut avoir des belles choses, mais qui aussi propose du court-métrage, ce qui est quand même une forme absolument extraordinaire pour l'animation, si ce n'est la plus belle forme, comme le dit Jean-François Laguioni. Donc voilà, c'est bien qu'on donne aux élèves aussi la possibilité de faire autre chose que c'est du série. C'est un énorme labo. Mais je pense qu'il faut le traiter même. C'est pour ça que, d'autant plus, et je te l'avais dit que ça m'intéresse, c'est que c'est encore plus pour moi qu'un labo. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on doit absolument, mettre en place parce que, ça passe aussi par le cinéma et pas uniquement par la télé, même si la télé est un acteur majeur, évidemment, dans la production, mais voilà. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire ce que fait Nicolas en ce moment, de regarder The Web Anime sur le site, et vous pouvez voir des images de nos trois invités, alors pas leur tête, hein, comme fait Rémi pour savoir qui va y avoir, mais de leur création. Donc il n'y avait pas Prévert, mais il y avait le travail de Delphine, le travail de Mélanie qui n'est pas évident à trouver parce qu'en effet elle a un nom qui est bien caché, donc c'est pas évident. Il y a 850 Mélanie Duval, c'est pour ça. Donc mais je vous ai déniché au moins son Tumblr voir quand même quelques images de sa série. Il est tout frais, pardon. Voilà. Et Yasmine qui elle a un blog plus un Vimeo, un YouTube, donc il y a plein de choses à voir. Vous avez tous les liens sur ce web anime. On va faire une petite un petit break musical. On va écouter le 5, le 6 et le 7. Waouh, là je fais un combo de la mort avec donc Lights and Motion, groupe suédois. On va entendre on va entendre le 5 et je pense le 7 et le 8. On en reparlera, mais je pense qu'il y a un truc un peu bizarre. Le 5 fait 4 minutes 19. Yes. Et donc, il ne faudra pas mettre la 6, je crois, c'est ça. Donc, Light in Motion, et après, je vous laisse écouter, puis on revient pour parler de tout ça juste après. À tout de suite. We'll be right back. tellement mignon. Je veux le rapporter à la maison. Il faut surtout pas que Papy Lou apprenne comme un cochon. S'il l'apprenait, ce serait très grave. Viens ici. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu as faim? C'est vrai ça, ça mange quoi un cochon? Il aime le fromage, les carottes, le lait et aussi la tarte aux myrtilles. Hey, j'ai pas essayé le saucisson. Ah non, pas le saucisson. Pourquoi? Eh ben... Si mamie n'y voyait ça. Pas de gaspillage en temps de guerre. Hé, hey, dépêche-toi, rattrape-le. Si jamais quelqu'un découvre qu'on l'a pris. Bonjour à beaucoup. Moi, je vois pas. Mais ça m'intéresse. Et pourtant, quelque chose de plus intéressant, il y a des millions, les gens sont des millions, vous êtes, je sais pas, peut-être 25 ou 30, regardez, j'en sais rien, ou 2000, ou 3000, ou 1 million, mais il y a une chose intéressante. À la télévision, c'est qu'un très beau spectacle, il y en a, peut être vu par une seule personne qui n'a jamais rien vu. Moi, je trouve ça très beau. Pour ce qu'on en fait par la suite, c'est un peu comme tout. Première chaîne, deuxième chaîne, troisième chaîne, quatrième chaîne, cinquième chaîne, ça. C'est comme chez Citron. Moment désagréable, avec moins de mouchards et moins de flics. Mais malgré tout, avec toujours comme la relativité, une liberté plutôt restreinte. Vous pouvez pas. Donc toujours Bulle de Rêve, vous venez d'écouter, alors on va remonter, hein, Jacques Prévert qui parlait de la télé avec une liberté plutôt restreinte, il parle de première chaîne, deuxième chaîne, on a l'impression qu'il voit un peu dans le futur, de se dire qu'il y aura plein de chaînes mais qu'on n'aura pas forcément de liberté, peut-être que vous n'avez pas compris, notamment on parle de Citron, et en fait Citron c'est Citroën, au moment donné où lui-même avait fait un poème justement quand il y avait une grève contre Citroën et contre, voilà, et c'est pour ça qu'il parle des flics et des mouchards, et donc il y a tout ce combat en fait qu'il y avait par rapport à Citron, donc Citroën. Et donc la liberté, on va en parler, qu'on peut avoir à la télé. Si on remonte, on a eu droit à un extrait donc des grandes vacances, série de Delphine. Elle va nous en parler un tout petit peu, produit par les Armateurs. Vous avez l'extrait là, je vous ai passé le son. Vous avez l'extrait donc sur le site des Armateurs que vous pouvez voir sur The Web Anime. Et juste avant, donc je vous répète, c'est Lights and Motion Reanimation que j'ai trouvé sur SoundCloud. C'est vraiment bien. Voilà, sur Internet, on peut trouver des trucs gratuits. C'est super bien. Alors Prévert et la télé, cette liberté, on va en parler un petit peu, mais déjà on va parler des grandes vacances. C'est un projet donc des Armateurs. Si je regarde, alors j'ai fait un projet que j'ai proposé aux Armateurs. J'ai fait mon travail. Comment Delphine Maury, qui est d'abord dans le journalisme, arrive finalement dans l'animation. J'ai vu 2006-2007 un truc qui s'appelle Tidom, qui est un mélange entre la prise de vue réelle et des marionnettes, mais on n'est pas dans l'anime, je pense que c'est des marionnettes qui doivent être bougées comme ça. Ça, c'est pas du tout qu'un projet qui est à moi. Ça, sur l'écologie. Non, ça, c'est un projet sur lequel. Moi, j'ai bossé à Bayard jusqu'en 2005, et puis en 2007, j'ai travaillé un peu chez Maybe Movies, et j'ai accompagné à un moment l'écriture du pilote des Tidom, enfin, d'accord, pas du pilote, mais des premiers épisodes, qui était effectivement un projet un peu écologique de Patrice Garcia et Céline Garcia. Et puis ensuite j'ai quitté L'année vient plutôt en 2008, pardon, avec voilà, Ariol, et c'est après j'ai fait la formation direction littéraire au CEA. Qui était très chouette. C'est quoi le CEA? C'est le Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle. Merci. Et puis, mon premier boulot, ça a été de faire la direction d'écriture d'Ariol. Et c'était super marrant pour moi, puisque Ariol, c'est né dans J'aime lire, qui était la revue dans laquelle je bossais à Bayard. Et puis, on m'a proposé d'en faire la direction d'écriture en 2008. Et je suis rentrée vraiment dans le monde de l'anime avec ce dessin animé-là, qui était à la croisée de la bande dessinée et de ce que je faisais avant. Et donc c'est un plaisir de travailler sur l'animation, ou au début tu te dis qu'est-ce que je fais là? Je me suis jamais posé la question comme ça. Je suis dans le monde des enfants depuis longtemps, et il n'était pas question d'en sortir. C'est mon monde, je suis bien avec eux. Je pense que c'est les derniers êtres vivants surprenants sur cette planète. Et donc, est-ce qu'il y a une envie de leur proposer quelque chose d'autre au niveau des séries télé? Oui, toujours. Enfin, moi, comme je viens du monde de l'écrit, c'est vrai, j'ai un regard pas très sympa sur la télé, a priori. Je la regarde pas tellement, d'ailleurs. Et, Et je pense que c'est ce qui a permis à, aux grandes vacances d'émerger assez vite. C'est que je ne sachant pas du tout ce qui se passait à la télé pour les enfants, quand j'ai écrit ce truc-là, je l'ai fait plus avec ce que j'avais appris de mon passage à Bayard, où il y a une réelle exigence sur les enfants et un réel respect de leur intelligence. Et du coup, quand j'ai commencé à réfléchir aux grandes vacances, c'était dans une logique de contournement total de toutes les contraintes de la télé auxquelles j'étais confrontée sur Ariol. Donc, c'est d'une certaine manière, j'ai écrit sciemment ce truc pour me foutre de la gueule des contraintes de la télé au moment où j'y étais. Et surtout que je bossais sur l'adaptation d'Ariol, qui typiquement est un projet qui existait en bande dessinée depuis des années. C'est quand même Emmanuel Guibert qui a écrit ça, qui est un génie. Ce truc était publié, diffusé, lu, et moi, en tant que directrice d'écriture, on me demandait de traficoter des choses dans les scénarios pour que ça puisse être à la télé. Donc je me suis battue bec et ongles pour qu'on m'emmerde pas trop sur les modifications. J'ai pas gagné sur tout. Et quand j'ai eu envie d'écrire Les Grandes Vacances, qui à l'origine était une histoire qui devait raconter ce que c'était pour des citadins de découvrir la campagne, je voyais que c'est un truc tout con, mais qu'on mettait des casques et des genouillères aux enfants sur n'importe quel vélo. Et je me suis dit, il n'est pas question que je puisse aborder la liberté de corps des enfants en devant les harnacher stupidement. Je le fais même pas en tant que parent, d'ailleurs, j'avoue. Et pour qu'on ne me tracasse pas sur ces questions-là, j'ai décidé, à l'époque avec mon co-auteur, on s'est dit, il faut qu'on mette ça dans le passé. Et au début, on voulait mettre ça dans les années 50, et il a eu l'idée lumineuse de dire bah non, il faut qu'on mette ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce dessin animé qui finit par être l'histoire de deux parigots qui sont envoyés en Normandie de 39 à 45 chez leurs grands-parents et qui se prennent la guerre en pleine gueule, mais à hauteur d'enfant, au début, c'était pour ne pas avoir à me coltiner les contraintes de la télé. Et parce que je me suis dit, l'alibi historique, il est énorme, ils vont pas pouvoir me demander de faire des choses qui n'existent pas. Oui, on peut pas te demander de mettre des rollers et des... Enfin, donc justement, de mettre des casques, parce qu'ils n'ont pas de rollers, des choses comme voilà, ça. Voilà. Et par contre, il y a quelque chose qu'ils peuvent mettre. Moi, j'ai entendu des gens dire, ben aujourd'hui, on met plus de cochons dans les films d'animation, parce qu'il y a pas mal de et gens de musulmans bah, voilà, qui vont. Et alors, là, il y a un cochon, le seul extrait qu'il y a. Ouais, c'est leur pote en plus. Et alors, j'ai défendu quelques trucs sur les grandes vacances. Je l'avoue, je bénéficie d'une liberté tout à fait exceptionnel sur ce dessin animé. Oui, il y a un cochon qui s'appelle Gadou qui sera tué parce que dès le début je me suis battue pour pas mal de trucs, notamment ça va être un dessin animé feuilletonnant, donc ça va aller 39 à 45 et donc j'ai demandé à ce que les enfants vieillissent et c'est pas très courant dans l'animation et le cochon évidemment va pas être un cochonnet toute la durée du dessin animé, donc lui il va grandir un peu avant les enfants. Et le destin d'un cochon pendant la guerre, c'est d'être tué, voilà. Et que j'ai dit que je contournerais pas ce truc-là. Et même si Gadou est mignon, et même si on va s'y attacher, et nous on y est hyper attachés, on va lui faire vivre son destin de cochon pendant la guerre. Et donc c'est des trucs comme ça un peu initiatiques sur lesquels je me bats parce que j'estime que les enfants sont pas des cons. Et que c'est super important de ne pas leur cacher certaines choses. Et ça empêche pas que voilà. Comment tu réussis à passer ça? C'est donc 10 fois 26 minutes. Ouais. C'est produit par les armateurs. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça paraît une évidence totale. Pourtant, c'est difficile de faire passer ça aux chaînes, aux diffuseurs. On va en parler avec Mélanie un tout petit peu après. Oui, c'est compliqué de faire. Alors là, vraiment, c'est encore une rencontre. Parce que tu viens pas de l'anime, donc d'un seul coup, tu fous tout en l'air en disant je m'en fous, on verra bien. Ouais, et puis, franchement, ça, c'est grâce au. Parce que l'histoire de ce projet est assez spéciale, c'est que je l'ai vendu à la télé avant de le vendre à un producteur. Quand j'ai voulu le vendre à un producteur, il m'a dit « t'es folle, la guerre à la télé, ça marchera jamais ». Du coup, je l'ai envoyé au CNC. C'est le CNC qui m'a poussée à confronter les enfants à la guerre, puisque le dossier, je leur avais envoyé. J'avais mis les enfants en zone libre en me disant « comme ça, la guerre sans toile de fond, ça va faire flipper personne ». C'est vraiment porté par l'enthousiasme des gens du CNC que j'ai reconfronté les enfants à la guerre et je suis allée le présenter directement à la télé, puisque les producteurs avaient l'air d'avoir un peu peur sur ce sujet. sujet. Et c'est Céline Limorato à l'époque et Pierre Siracusa qui m'ont dit, mais on aime ce projet. Et là, moi, j'ai commencé à discuter avec eux en direct. Et c'est là où j'ai fait passer l'idée que je voulais que ce soit feuilletonnant, que ça n'avait pas de sens de raconter une histoire initiatique comme celle-là en le faisant thématiquement. Ils ont dit oui. Du coup, j'ai dit, je veux faire grandir les enfants. Ils ont dit oui. J'ai dit, il y aura un cochon, il va crever. Ils ont dit, on verra. Et puis, voilà. Et après, il y a quand même des trucs que j'ai pas le droit de faire. Par exemple, ça me paraît un peu débile au regard de ce qu'on m'a montré, mais par exemple, les enfants n'ont pas le droit d'avoir un couteau. Moi, je voulais que quand le père part à la guerre, il file un couteau, il file un opinel à son gosse, quoi. Évidemment, en plus, ils sont au bord de la mer. Bon, c'est pas mal pour enlever les coquillages, tout ça. Ça, c'est no way. Et on m'a dit, si tu veux le vendre à l'international, il faut jamais mettre un couteau. Du coup, j'ai fait un truc encore plus tordu, parce que finalement, comme d'hab, les contraintes rendent tordu. Le père, maintenant, ça a disparu, mais dans un des scénarios, du coup, il apprenait à son gamin à faire des nœuds. Et ce que je trouve tout aussi finalement sexuel comme comme symbolique hein, le nœud, mais j'ai pas d'explication au fait qu'on me donne cette liberté là. C'est parce que je le pense, c'est parce que j'apporte un projet qui a du sens. Est-ce qu'il y a le sens, et est-ce qu'il y a aussi l'envie et le fait de quelque part, parce qu'on parlait des projets Prévert, des étudiants, est-ce que ce qui peut ne pas faire aussi la différence, et je ne dis pas que si on ne réussit pas à placer son projet, c'est qu'on n'a pas l'envie, mais qu'on a un projet un peu plus fou, d'avoir ce côté fou soi-même, enfin en tout cas quelque part, de ne pas douter quelque part de son projet. Déjà, Delphine, après on demandera à Mélanie ce qu'elle en pense. Certes, de près, pas l'imposer, mais te dire, ok, ça passe ou ça passe pas, tant pis, mais on fonce et puis on verra bien, quoi. Moi, c'est plutôt l'histoire de ce projet qui me donne raison sur le fait que j'avais raison d'être exigeante et de pas lâcher. Maintenant, je pense pas que je sois tout à fait folle, parce que c'est pas complètement n'importe quoi ce que je propose. Et surtout, un des trucs, c'est que ce projet, il résonne avec tout un chacun, parce que le truc qu'on n'a jamais oublié, c'est la fascination qu'on avait pour l'histoire de nos grands-parents. Et d'une certaine manière, le fait que ce soit devenu historique, ça fait résonner ça dans n'importe quel adulte. C'est que tous, on a plus ou moins entendu nos grands-parents nous parler de la guerre, et que ça nous a plu parce que c'est des histoires vraies, incontournables, et ça, c'est notre boulot d'adulte, c'est de les raconter en trouvant le niveau de lecture où on n'est pas là pour traumatiser les gens. Moi, je pense qu'on peut aborder la mort, la maladie, la guerre pour les enfants en trouvant une juste explication. Et le truc hyper important de ce projet, c'est que justement, pour pas raconter de conneries, je suis allée interviewer des gens qui avaient vécu leur enfance pendant la guerre. Et donc, quand je suis allée recueillir ces récits chez des vieux, très vieux, eux, ils m'ont raconté leur guerre à hauteur de leur regard d'enfant. Et donc ça, c'est un truc énorme dans mon approche de cette fiction, c'est que j'ai leur récit d'enfant. Et donc je vois ce à quoi ils ont été confrontés, et déjà ça fait une sorte de filtre naturel énorme, puisque je les ai là en tant qu'adultes face à moi, et ils me racontent ce qu'ils sont devenus en ayant vécu ces expériences-là. Donc je prends pas de risque de raconter n'importe quoi, et voilà. Et après, évidemment, il n'y aura pas de corps déchiqueté, mais il y a plein de façons de parler de la violence. Et aujourd'hui, la télé pense que la violence, c'est de montrer des corps déchiquetés et tout ça. Il y a des violences bien, bien pires. Enfin, je sais pas. Et moi, ma responsabilité d'adulte, c'est de savoir où je mets le curseur pour dire je peux très bien aborder la mort d'un enfant pendant la guerre sans montrer ça en gros plan. Et ça, c'est par exemple, c'est une idée de mes co-scénaristes qui sont vraiment hallucinants là-dessus. J'adore ça. C'est qu'il suffit d'entendre une explosion sur la plage et le lendemain, une chaise vide à l'école. Et c'est bon. Et on a compris que le gamin, il a sauté sur une mine. Et on dit ce qui s'est passé, mais on n'est pas en train de foutre du sang partout, quoi. Et pour autant, on a quand même dit une des réalités qui était que les gosses sautaient sur des mines comme les gens, comme voilà. Mélanie, quand je parlais de folie, bien sûr, c'était pas forcément la folie à l'intérieur du projet, c'était juste finalement avoir suffisamment de folie pour presque pas s'opposer, mais en tout cas voilà, ne pas être que sur le diktat finalement de ces chaînes. Pour quand on a un projet qui vient de soi et qu'on doit défendre corps et âme, c'est le choix des interlocuteurs en fait qui va être important, parce que suivant les chaînes, il y a pas les mêmes exigences, il y a pas les mêmes il y a pas les mêmes frictions, il y a des choses qui font des blocages. Par exemple, sur Gulli, on est extrêmement libre, on a des interlocuteurs qui nous disent hey, un enfant empoisonné, mais pas de problème, il se roule par terre en bavant des choses mousseuses, allons-y. Carrément, c'est vrai. Ah oui, ouais, vraiment. Okay. Bah, par exemple, voilà, c'est pas un des projets, mais sur Rosie, on a écrit des choses, une série, on a écrit des trucs complètement hallucinants. Après, comme dit Delphine, on peut raconter des choses hallucinantes sans montrer des trucs complètement traumatisants, parce que moi aussi j'ai des enfants, il y a des choses que j'ai pas envie qu'ils voient et qui leur filent des cauchemars pendant 3 semaines. C'est pas ça le but. Mais ça dépend des chaînes en fait. Par exemple, on sait qu'il y a France 5 qui sont plutôt dans le preschool, on va pas leur proposer des trucs où il y a des morts, où il y a des enfants qui transgressent. Sur France 5, on va être des enfants qui apprennent la vie, tout ça. Alors que sur France Télé, déjà, on peut être plus dans la transgression, on peut déjà avoir des enfants qui peuvent s'opposer à l'autorité parentale et faire n'importe quoi. TF1, c'est encore autre chose. Enfin, ça dépend vraiment des interlocuteurs, donc au niveau des chaînes et aussi au niveau des producteurs, bien sûr, est-ce qu'ils te suivent ou pas dans cette histoire, quoi. Ce qui fait qu'au niveau des âges, un 8-12 ans sur TF1 n'est pas le même que sur la 5e ou que sur France Télévisions, par exemple. Exactement. Exactement. C'est, par exemple, sur TF1, le second degré, on oublie, quoi. Même se moquer des personnages historiques. Enfin, là, c'est un exemple très récent. Pardon, si TF1, si vous m'écoutez. Exemple très récent. On ne peut pas se moquer de personnages historiques, même si la série, à la base, est une série où, dans la BD, c'est le concept, on se moque des personnages historiques. Donc c'est ce que disait Delphine tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on oblige finalement à passer au-delà du matériau d'origine. Bah, c'est-à-dire le matériau d'origine, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que systématiquement, c'est des bandes dessinées, donc souvent qui sont lues par des enfants, donc ils savent lire. Donc déjà, ils ont plus de 6 ans, voire 7, 8, 9, 10, 11. À la télé, ils se disent oh là là, s'il y a des petits frères et des petites sœurs qui sont là, on veut pas voir ça. Par exemple, l'une des premières adaptations sur lesquelles j'ai bossé, c'était Captain Biceps. Captain Biceps, dans la BD, il passe son temps à écrabouiller la tronche des gens qu'il rencontre. On voit du sang, on voit de la bouillie de figure. Enfin, c'est le cœur de chaque épisode, hein, grosso modo. Évidemment, à la télé, on peut pas. À partir de là, il y a 78 épisodes à faire. Avec un super-héros dont le seul pouvoir est de donner des gros coups de poing dans la tronche, il a fallu s'en sortir. On l'a fait et du coup on a déplacé l'humour sur quelque chose en effet de plus débile en fait. Voilà, on allait moins dans le sanglant et le bourre-pif et dans quelque chose de vraiment, par exemple, enfin moi il y a un épisode que j'ai écrit où il y a un super méchant, son but c'est de libérer les sacs de crocodiles de la planète, donc il se bat contre le massacre des crocodiles et on voit à l'écran, et c'était un truc qui avait beaucoup choqué, on voit un crocodile qui est en train de courir dans la nature, pan, et d'un seul coup c'est un sac à main, et c'est juste pour dire bah voilà, oui en effet c'est la chasse, c'est ce qui se passe, et du coup on a un super méchant qui veut libérer tous les crocodiles en pillant des boutiques de sacs à main et en les jetant dans des ruisseaux. C'est complètement débile en donc fait. C'est un gentil en fait. Mais bien sûr, les méchants sont toujours des gentils. C'est la loi de l'animation. Delphine, est-ce qu'il y a une grande différence entre un projet très personnel comme Les Grandes Grandes Vacances et la série sur laquelle tu as bossé juste avant, avec une abeille vu ça, Maya l'abeille. Est-ce que... voilà. Wow. Est-ce que... Tu veux dire dans l'implication... Oui, comme le dit Mélanie, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des projets sur lesquels on est... On est là pour faire un travail et on le fait évidemment le mieux qu'on peut. Et puis il y en a d'autres où c'est son projet et là on donne à fond. Delphine ? Non, moi j'ai pas l'impression, parce que un projet sur lequel je me donnerais pas à fond, je crois pas que j'irais. J'ai refusé des directions d'écriture en disant je suis pas du tout la bonne personne, je vais être nulle, je vais pas savoir faire ça. Donc j'ai pas ce sentiment-là. Et en plus, les grandes grandes vacances, c'est un truc très paradoxal, c'est que j'ai pensé très longtemps que c'était pas personnel, puisque je me faisais le porte-parole de gens qui... Je racontais l'enfance je faisais une sorte de compile d'enfance dans cette enfance-là. Et là, j'ai découvert à quel point c'était personnel, justement, mais un peu malgré moi. Après, non, parce que le boulot de directeur d'écriture, c'est quand même un boulot. On est avocat, ambassadeur, machin. On passe son temps à défendre le boulot des auteurs. Donc, c'est hyper impliquant. Il y a aucune possibilité de pas être impliqué quand on fait de la direction d'écriture. Donc, là, c'est plus une histoire de perso, pas perso. Après, c'est qu'est-ce qu'on y laisse comme plume. Ouais, c'est une vraie question à un moment, mais. Les grandes, grandes vacances, il y a marqué sur le site que l'entrée en production était normale en septembre 2012. Oui. On est en juin 2013. C'est hyper compliqué à écrire les grandes, grandes vacances. C'est un peu long, normalement, c'est quand qu'on devrait voir ça? Ça sera à la télé en mars 2015 pour l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, pour la commémoration des 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dur l'animation, non? De préparer quelque chose. Il a commencé quand je regarde? Moi, je l'ai écrit en janvier 2008, ce 2008, projet. 2008, c'est-à-dire qu'il aura fallu 7 ans pour... Ouais, ouais, Mélanie. Mais attends, ah bon, c'est long, non? Enfin, moi, je trouve ça normal. C'est-à-dire c'est long, mais c'est le temps normal. Ah enfin, oui, c'est voilà. Discuter ensemble, mais parler devant les micros aussi, que tout le monde puisse vous entendre. Non, oui, c'est un temps normal. Enfin, moi, par exemple, j'ai bossé sur un projet, là, il n'y a pas longtemps. Tu regardes, Dépôt SACD, donc la série démarre, là, à l'écriture. Donc, ça veut dire qu'elle démarre seulement à l'écriture. Tu vois, Dépôt SACD 2004. Ah ouais. Les temps de décision sont vachement longs. Après, il y a des choses qui démarrent très vite. Par exemple, Rosie, donc Romain, qui est l'auteur de Rosie, m'avait appelé genre en novembre pour dire « Ah, ça va peut-être démarrer, là, on a fait un dossier et tout. » Janvier, bon, ça démarre. Voilà. Mais ça dépend des chaînes, ça dépend de plein de choses. Mais en général, c'est ces temps-là. Hein. C'est pas du tout surprenant. C'est toujours très long. Donc d'avoir les armateurs, c'est une super chance. Ouais, vraiment. Les armateurs, donc Kirikou, évidemment, les triplettes de Belleville, enfin, ouais, etc., pour les plus anciens. Bah, Didier, c'est un homme qui... Un essai Célestine récemment. Qui laisse une liberté folle aux auteurs, vraiment. Voilà, c'est quelqu'un qui fait confiance. Donc, je pense que j'ai dû vivre un peu les mêmes trucs que Benjamin Renner là-dessus. C'est-à-dire que quand... moi, j'ai mis des années à investir ce costard. Là, je sais toujours pas vraiment ce que je fais dans tout ça. Mais donc, j'ai eu des vraies périodes de pataugeage. Et ça, c'est l'autre aspect des gens qui font confiance, c'est que quand on patauge, eh ben, ils nous disent qu'ils nous font confiance et voilà, il faut qu'on trouve la sortie tout seul. Mais bien sûr, c'est des gens super qui aboutissent les choses, quoi. Donc moi, je peux être que ravie. On va faire donc une autre coupure musicale. Alors là, on va passer à quelqu'un qui, lui, n'a pas tellement... est assez intransigeant dans son style de musique, c'est Steve Reich, avec un morceau qui s'appelle Clapping Music, hein, avec une musique avec des claquement de main comme ça, absolument fait de manière magnifique par mise en chorégraphie par Anne-Thérèse de Kressmacher de manière absolument sublime. Donc voilà, Clapping Music, et on va enchaîner sur l'extrait juste après. On revient pour parler forcément d'animation. À tout de suite. Thank you. les enfants qui savent toujours ce qu'ils veulent. Et il y a Lucilette. Lucilette ne sait pas choisir. Et ça se voit. Le comble, c'est que tout le monde lui demande son avis. Qu'est-ce que je vous sers? De quelle couleur? Tu te mets à côté de qui? Tu feras quoi quand tu seras grande? Eh ben, je sais pas! Eh bien, pourtant, il va falloir choisir, mademoiselle. Les autres attendent. Oui, c'est vrai, dépêche-toi, Lucilette. Eh oui, le problème de Lucilette, c'est qu'elles ont fait tout un cinéma. Par exemple, l'activité du mercredi. Observons de plus près. Si je prends le piano, on pourra faire un super orchestre à Noël. Limoun va se retrouver toute seule au milieu de toutes ces inconnues. Et si elle se liguait contre moi? Lucilette a beaucoup d'imagination. Beaucoup trop d'imagination. Oh, au fait, je ne me suis pas présenté. Je suis la Pourse, conseiller spécial de Lucilette. Déjà toute petite, Lucilette ne savait pas choisir. Entre garder son vieux doudou lapin et son ours en peluche tout usé, elle devait choisir. Mais comme elle n'a jamais pu nous abandonner, nous sommes devenus... la Pourse. Depuis, je l'aide à faire ses choix. Et voilà. Donc on est passé de Steve Reich à Lucilette, de style complètement différent. Lucilette, donc, est le projet phare pour l'instant de Mélanie. Mais d'ailleurs, donc toi, tu sors de l'ESAT. Tout à fait, de l'ESAT de Roubaix. Voilà. Et DMA, donc le DMA. D'animation. Première promotion, je suis sortie en 2000. Avec qui? Avec Gilles, que je liais, Gabriel Jacquet, bah, toute la bande. Claire Trollet. Claire a été l'année juste derrière. Bah, Quentin Francotte, mon cher étant. Ouais, tout à fait, ouais. Magali Vasson. Pas mal de... Tout ça, quoi. Donc toi, t'es sortie et t'as pas fait l'école après. T'as fait quoi après? Après, pour nous, les écoles et les choix étaient assez limités quand même. Il y a la Poudrière qui prenait à partir de 25 ans et j'avais 20 ans. Il y avait les Gobelins qui prenaient les génies en dessin. Non, ça n'a visiblement pas parti. Et donc, on s'est lancé dans la vie professionnelle. Enfin, la plupart de cette année-là, on est parti un peu la fleur au fusil en disant bon, ok, go, c'est parti, quoi. Comment on passe autant quand on regarde un petit peu sur Internet, c'est difficile de trouver des choses sur toi sur Internet, mais on a l'impression qu'il y a autant des choses en animation, enfin en dessin, qu'en écriture. T'as pas mal travaillé dans l'écriture. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait ce chemin-là? Bah, en fait, c'est tout simplement, quand je suis sortie de l'école, je voulais être maître du monde et faire ma série, enfin, comme tout le monde, quoi, normal. Et bon, finalement, j'ai trouvé des boulots essentiellement en animation, c'est-à-dire faire bouger les petits persos, enfin, la vraie anime, du décor, du compositing et tout ça. Et au bout de 5-6 ans, j'ai fait de la direction d'animation, c'est-à-dire faire fais comme si, pas comme ça, non, c'est mieux comme si et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, moi, je voudrais vraiment faire des choses créatives, donc plutôt du storyboard. Donc je suis passée au storyboard. J'avais fait une formation à l'écriture plus pour mes projets perso comme ça. Et quand j'étais storyboardeuse, j'ai rencontré un scénariste qui lui avait fait aussi cette formation, qui m'a dit mais pourquoi tu n'écris pas des scénarios? Et je dis bah oui, pourquoi? Et donc maintenant, enfin là ça fait 4 ans quasiment que je fais quasiment que ça, du scénario, sauf pour Lucilette où je fais les graphismes, ou des projets perso où je fais les graphismes, et de temps en temps, ou sur Lucilette je fais le storyboard par exemple. Donc je fais un peu les deux. Mais ce qui est rigolo, parce que du coup, en fait, jusqu'à très longtemps, nos producteurs pensaient que j'avais fait que les dessins sur Lucilette. Alors qu'en fait, je suis co-scénariste du projet. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement? Est-ce que les deux te plaisent autant de... Ah bah oui, c'est un peu. Tu préfères ton papa ou ta maman? C'est vrai, c'est vraiment ça, parce qu'on a l'impression que là, le papa est, enfin, en tout cas, le dessin est venu tellement avant. L'écriture, non, déjà DMA, t'avais envie d'écrire, comme tu dis. Oui, ouais. Bien sûr. Déjà toute petite, en fait, quand j'avais 5 ans, je voulais écrire des romans. Et comme j'écrivais très mal et que, ce que ça donnait pas du tout ce que je voulais, je me suis dit, je vais dessiner mes histoires, ce sera plus direct, en fait. Bon, j'ai mis encore 20 ans à que ça ressemble à ce que je voulais, mais voilà, c'était. En fait, non, l'idée, c'est d'inventer des histoires. Après, l'écriture et le dessin, ils sont cousins, c'est pareil, en fait. C'est pas très différent. Est-ce qu'il y a des tonnes de projets? Ça met tellement de temps à se mettre en place. Est-ce qu'en fait, tu bosses sur des tonnes de projets en même temps? Oui. En attendant qu'il y en ait un qui... Oui, il ne faut pas le dire à mes patrons, mais je bosse sur plein de projets. Hein. Oui, bien sûr, parce que les temps sont très longs. En plus, en tant que scénariste, les temps sont très longs. On a des temps de validation, des fois, qui peuvent attendre un mois ou des choses comme ça. Donc, en général, je travaille sur une ou deux séries en même temps, voire plus. Et je développe... deux, trois projets en même temps, plus des trucs perso, plus tout ça. Et puis après, je passe plus ou moins de temps sur certains trucs. Hein. Quand c'est intense sur une série, je vais quasiment y passer tout mon temps. Puis avec un peu de temps à côté sur autre chose, enfin, je panache. Mon agenda est un arc-en-ciel de projets. Voilà. Pourquoi la série est pas les... Avec cette envie, pourquoi pas des cours, par exemple? Eh ben parce que moi, j'ai un imaginaire de série, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai une pensée industrielle. Quand j'imagine des histoires, c'est des histoires fleuves. Et quand j'imagine un univers, c'est un univers avec plein d'histoires dedans. Donc, le court-métrage, j'ai quelques idées de court-métrage, des petits trucs. Mais c'est pas... Moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de place pour m'épanouir en liberté, écrire, raconter plein de trucs et tout ça. Donc, voilà. Et l'épanouissement, ça fonctionne donc en série? On disait que c'était on l'a vu, c'est quand même super compliqué. À la fin, on réussit. Delphine nous l'a dit. Est-ce que c'est... Oui, oui, oui. Bien sûr. En fait, il n'y a pas le choix. Parce que moi, je ne peux pas écrire une histoire si je ne crois pas un minimum à la série sur laquelle j'écris, évidemment. Après, il y a des projets qui sont plus techniques que d'autres. C'est-à-dire des choses qui sont présentes très cartoon et très dans l'humour, etc. On n'imagine pas, mais c'est les choses les plus techniques à écrire. Donc, on ne s'assoit pas sur un canapé en disant ah, « ah, ah, qu'est-ce que je vais marrer ?» C'est plutôt « Oh mon Dieu, alors là, qu'est-ce que je vais faire ?» Oui, mais non, là, ça tient pas la route, etc. Et après, il y a des projets avec lesquels on a une empathie tout de suite. On se dit « Ah oui, tous les personnages, je les connais, je les adore. Je sais exactement ce que je vais leur faire faire. » Et on se met à raconter des choses qui nous touchent encore plus que des projets qui sont des fois plus de l'humour. On raconte des choses qui nous font marrer. Mais c'est... Oui, oui, il y a moyen. Il y a moyen. Il y a des séries sur lesquelles j'ai vraiment... Quand j'ai rendu ma copie, j'ai vraiment écrit un truc que je suis hyper contente d'avoir dit. Après, advienne que pourra, l'épisode, il ressemblera à ce qui ressemblera à la fin. Mais moi, j'ai tout donné, quoi. Je suis hyper contente de moi. J'ai raconté un truc vrai sur l'humanité et tout ça, quoi. Une fois qu'on a écrit son scénar, certains scénaristes disent en animation, on nous appelle et en fait, on travaille encore. En série, oui. Enfin, on parlait dans long métrage, par exemple. En série, une fois que tu as écrit ton scénario, une fois que c'est en production, on te dit « Ah tiens, on va changer ça » ou tu découvres l'épisode. Ah non, non, non. En général, tu découvres après. C'est très rare. Ça arrive sur des séries, par exemple, des séries sur lesquelles j'ai une forte implication. Par exemple, Rosie, qui était l'un de mes derniers enfants chéris. Il y a un épisode où, en effet, à l'animatique, c'était trop long, ils ne savaient plus quoi en faire. Ils m'ont rappelé. J'ai tout réécrit avec l'animatique en disant « Non, là, on va couper. Là, on va faire ci. Ah tiens, ça, c'est vrai que c'était pas clair et tout. » Pur bonheur, génial. À la fin de l'épisode, je l'ai pas encore vu, mais je suis sûr qu'il sera. Ça c'est rare, c'est vraiment un peu exceptionnel. Parce qu'en général, en fait, c'est une sorte de l'animation, c'est une sorte de tuyau qui avance très très vite. Et nous, on est là à un moment du tuyau, et après le film est à 4 km plus loin, on n'est plus là. C'est advienne ce qui adviendra. Hein. Des fois, on a beaucoup de chance, ça ressemble exactement à ce qu'on imaginait, puis des fois non. Mais je dois être, enfin moi j'entends que il y a quelques directeurs d'écriture qui s'impliquent de plus en plus dans le suivi des scénars jusqu'au board et c'est vraiment super bien parce que il y a un moment où on en a tous un peu ras-le-bol d'entendre des boarders qui arrêtent pas de dire du mal des scénaristes qui savent pas faire leur boulot, des scénaristes qui regardent leurs épisodes en disant mais putain on m'a tout coupé, je comprends plus rien. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mouvement en ce moment qui fait que ça commence à bosser un peu plus main dans la main dans l'ensemble. Je trouve que dans l'anime il y a un cloisonnement des métiers qui... Il y a une volonté d'exploser ce cloisonnement, ça c'est... Voilà, c'est une volonté d'explosion qui vient vraiment des métiers parce que pas les producteurs qui favorisent ça, hein, malheureusement. Non, moi, quand j'étais storyboardeuse, j'étais, je veux rencontrer les scénaristes, qu'on discute ensemble, et c'était pas possible. Est-ce qu'on n'a pas un problème dans ce cas-là, des fois, d'avoir des réalisateurs qui ne servent pas à grand-chose? Pas dans tous, hein, évidemment, je ne suis pas en train de dire, mais avec le storyboarder qui a une très très forte importance, avec des fois des réalisateurs qui ne savent pas forcément d'ailleurs. En fait, il ne faut pas imaginer qu'en série d'animation, ce n'est pas le réalisateur qui fait les storyboards. Enfin, en tout cas, moi, ça doit exister. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai vécu en tant que storyboarder. C'est le storyboarder qui fait la mise en scène de l'épisode. Alors, il souffre souvent beaucoup, car son travail n'est jamais reconnu. Je pense à tous les storyboarders de la planète. Mais le travail de mise en scène, au sens où on l'entend, c'est le storyboarder qui le fait. Donc, le réalisateur souvent donne des directions, mais souvent, c'est le chef storyboarder qui va vraiment donner l'impulsion du type de découpage, de qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est le scénariste un peu quand même aussi qui fait la mise en scène au début. Hein. Oui, il fait la mise en scène à l'écriture, bien sûr. Oui. Enfin, il fait la visualisation de son truc. Après, le storyboarder, suivant les marches qu'il a, il fait un peu ce qu'il veut avec. Souvent. Mais en effet, à l'écriture, moi, par exemple, en plus, en général, on essaye de faire de façon très subtile, par exemple, mais si tu mets... Tous les yeux se tournent vers lui. T'imagines déjà le plan, comment ça va être, si tu fais... Surtout toi qui es en plus storyboardeuse et scénariste en même temps. Donc, bah oui, en général, tu as tendance à essayer d'influer un peu. Mais après, il ne faut pas trop le faire parce qu'en tant que storyboarder, c'est hyper pénible quand tu lis gros plan sur machin, plan large sur truc, tu es là, c'est bon. Ce qui n'est normalement d'ailleurs pas un scénario, excuse-moi, non, mais on n'est pas censé mettre plan large ou gros plan, des indications de mise en scène. Mais par contre, si tu mets, par exemple, si tu mets la main prend la tasse de café, ouais, c'est évidemment différent. Tout le monde le regarde prendre sa tasse de café. Tu vois très bien que ça ne va pas être le même type de plan et c'est là qu'on se glisse, les scénaristes. Lucilette, c'est un projet à la base. Est-ce que c'est vraiment un projet donc de Léonie? Alors tout à fait. De Ruder, on prononce, je sais pas. Léonie de Ruder, tout ouais, à fait. Alors en fait, on s'est rencontrés à une formation de scénariste et elle m'avait envoyé son projet, qui à l'époque était un projet de série de livres en fait, parce qu'elle avait vu mon travail sur un autre projet, vu qu'elle était lectrice au CNC, au Fonds d'aide à l'innovation. J'ai déposé un projet, elle l'avait vu, elle m'a dit « Oh, j'adore ce que tu fais !» Je me suis dit « Ah, elle est vraiment très sympa !» Et donc elle m'a envoyé son projet, j'ai trouvé ça super, et en reparlant, on s'est dit « Mais on peut en faire une série d'animes, ce serait hyper bien !» Donc voilà, on s'est dit, moi je voyais vraiment comment le faire, dire « Elle imagine tel truc, elle a un choix à faire, elle va imaginer... » ce qu'elle fait si elle fait tel choix, ce qui va se passer si elle fait tel autre choix. Évidemment, elle imagine beaucoup de choses, vu qu'elle a beaucoup d'imagination, elle imagine même des fois un peu n'importe quoi. Et à la fin, elle va trancher, si possible, avec une autre solution. Enfin, c'était une mécanique qui nous plaisait bien. C'est comment dans la tête de Mélanie Duval, quand on est obligé de travailler, enfin, quand, pas on est obligé, mais quand on travaille sur Lucilette, quand on travaille sur Recto Verso de Gabriel Jacquel, qui est déjà venu. Qu'est-ce qu'on en a écrit des trucs? Voilà, en noir et blanc, donc, qui n'a rien à voir avec l'univers de Lucilette, quand tu travailles sur Ozzy, quand tu travailles sur des projets, à chaque fois, tu te cadres dans la personne qui t'a amené le projet, ou évidemment, toi, t'as largement de la place pour mettre. Ouais, bien sûr, en fait, c'est purement à l'instant, c'est-à-dire on me présente un projet, je fais « Ah, je vois exactement ce que je veux faire !» Ça se passe en général comme ça. On me présente un truc, je fais « Ah, mais blablabla, on va faire ci, on va faire ça, oh, puis ce serait trop génial si on faisait ci et ça !» Au bout d'un moment, on fait « Hop, hop, hop, attends, on se calme là, oh là là, oui !» Et puis des fois, il y a quelqu'un en face qui a fait « Ah oui, trop super !» et nanani, et puis on part là-dedans, et puis voilà. Ok, Gabriel, ou malheureusement pour l'instant. Est-ce que ça, c'est super dur quand on travaille énormément de temps sur une série et que malheureusement la série a priori pour l'instant ne voit pas le jour. Ne rencontre pas son public, ouais. Enfin ne rencontre pas sa chaîne. Même pas la chaîne là, c'est même pas le public. En général, ne rencontre pas sa chaîne. Bah évidemment c'est dur, d'autant plus quand on y croit à mort et qu'on sait que ça marcherait. Enfin moi je vois Recto Verso typiquement, ma gamine l'a vu, elle a adoré, enfin elle me le réclame, enfin c'est typiquement genre de truc qu'on sait que ça va marcher. Et à un moment, il y a une barrière, c'est du cartoon, c'est en noir et blanc. Voilà, en fait. Et c'est aussi, il y a énormément de projets qui sont proposés aux chaînes. Et on sait qu'ils ne passeront pas tous la barrière. C'est un problème de nombre, hein, simplement, de toutes sortes de raisons. On sait que ce n'est pas forcément une question de qualité du projet. C'est une question de grille, c'est toutes sortes de paramètres. Et à un moment, on se dit, ce qui compte, ce n'est pas que ça se fasse ou pas, prochainement ou pas, c'est tout ce qu'on va mettre dans ce projet, on va le mettre. Pendant un temps donné, on va tout donner. Et puis, advienne après que pourra. Ce qui compte, c'est de faire le maximum et d'y croire à fond. Et puis, après, ça dépend pas de nous. Donc, voilà. On est très en retard en France. On a beau être le soi-disant troisième pays. Je pense que la Chine nous a dépassé depuis longtemps. Mais bon, on a bien toujours dit qu'on est le troisième pays producteur d'anime. On est super en retard par rapport aux États-Unis, au Japon, par rapport aux séries pour adolescents et pour adultes. Quand je dis on est très en retard, c'est. Ne m'en parle pas. Est-ce que. C'est pas une question de retard, c'est une question de. Il n'y a pas de case. Oui, alors est-ce que l'ouverture que fait Arte, là par exemple, avec Madagascar, avec Hôtel sur Internet, des choses un petit peu différentes, est-ce que ça vous paraît, Mélanie, Delphine, je ne sais pas, est-ce que ça vous paraît quelque chose qui. D'optimisme, enfin, on se dit, tiens, il y a une petite lueur là qui commence à arriver ou pas? Enfin, moi régulièrement, j'ai tellement souvent des lueurs d'espoir, ça fait depuis 2000 que je travaille dans l'animation, ça fait depuis 2000 qu'on a des moments des lueurs d'espoir, je ne désespère pas évidemment, sinon je changerais de métier. On attend toujours, il y a toujours des petits signes, il y a eu tous les 1 ou 2 ans, il y a une tentative, il y a un truc qui se fait, on verra. Ça, c'est mais évidemment, enfin, c'est juste un drame qu'on parle pas aux ados. Les seuls qui parlent aux ados actuellement, c'est les mangas. Hein. Enfin, nous, on peut toujours courir pour faire des séries d'aventures feuilles-nodantes où il se passe plein de trucs trop cool, on peut pas quoi. Ah, c'est incroyable qu'ici on puisse pas avoir. On a eu les Shadok en plus il y a longtemps, qu'on puisse pas avoir. Hein. peut-être pas South Park, quoi, je sais pas, ou même Adventure Time, je sais pas, des choses ouais, un peu délirantes, quoi. C'est pas faute de la volonté des auteurs, hein, là. Je oui, parce que Lucilette, par exemple, est-ce qu'il y a une chaîne pour Lucilette? Ah, bah Lucilette, il y a des intérêts très forts. Après, on croise du doigt, on touche du bois, enfin, tout ça, brûler tous les cierges et sacrifier tous les poulets que vous pouvez, c'est le moment. Mais Lucilette, typiquement, on est vraiment dans un projet enfant, on n'est pas dans un projet jeunes ados. Mais je travaille sur d'autres projets, dont un auquel je tiens beaucoup, qui est un projet que nous, on voulait vraiment jeunes ados, etc. C'est super dur, un truc vraiment délirant, un truc là, pour le coup, vraiment Adventure Time, machin et tout. On sait qu'à vendre, ça va pas être simple, mais ça veut pas dire qu'on le fait pas, on le fait toujours à fond. Puis on désespère pas, peut-être que... un jour, une bonne fée télévision ouvrira sa porte, on ne sait pas. Delphine, est-ce que c'est possible d'avoir cette... on parlait de liberté, on va parler en effet, on l'a dit en avant, de liberté plus importante qui est... Et Yasmine, qui est une liberté d'expression, évidemment, on va pas oser comparer ces deux choses-là, mais quand même, cette idée de peut-être d'ouvrir l'imaginaire aussi, que l'animation, comme l'animation peut si bien le faire, à savoir d'ouvrir l'imaginaire des ados et des adultes même. Et des adultes, hein, parce qu'on parlait de Prévert, on parlait de poésie, adultes, qu'il n'y a plus aujourd'hui, oui. Ça, c'est moi, je trouve que c'est un grand drame. Pardon. Non, vas-y. Je trouve que c'est un énorme drame. Enfin, là, pareil, je suis sur un autre projet où vraiment, là, on voudrait s'adresser aux adultes. Personne ne parle des terreurs des adultes. Enfin, je veux dire, on parle des enfants, on parle des ados. Les adultes, eux aussi, ils ont des terreurs, aussi, ils ont des envies, des peurs, des machins. Personne ne leur parle. On s'en fout, quoi. Les adultes, ça compte pas. On est dans un monde où il y en a aussi des adultes. Ou là, est-ce que les adultes, on leur parle pas en animation? Est-ce qu'on leur parle en prise de vue réelle, justement? Est-ce qu'on vous dit ça? Ou s'ils disent un peu ça. Hein. Ils disent qu'en fait, culturellement, l'anime pour les enfants, c'est associé aux enfants. Et qu'une des manières dont ils marquent qu'ils ont grandi, c'est en regardant plus des dessins animés, qui serait une sorte de plaisir régressif. Maintenant, avec l'anime japonaise, ils savent très bien, et nous aussi, et nous, on est des parents qui regardons de l'anime. Moi, j'ai jamais arrêté de regarder de l'animation. Il y a des trucs adultes. L'animation, c'est un média qui est tellement riche qu'on peut parler aux adultes comme aux ados. Mais tu vas plus loin, tu as même des sacs à dos Crayon Shin-chan. Je lis et je consomme des mangas de façon totalement abusive. C'est juste lamentable. Malheureusement, on est obligé de dire en permanence qu'on n'est pas le cœur de cible des gens qui regardent la télé. Ça, on est obligé de le reconnaître. Quand la télé tient le discours que on est bien sympa de vouloir faire des dessins animés pour les adultes, mais personne ne va aller les voir. Bon, après, on remercie Valse avec Bachir, Persepolis et tout ça d'exister, parce que ça prouve quand même il y a des choses. Voilà, ça peut intéresser les gens. Après, encore une fois, les séries de USA au Japon, South Park ou les Simpsons. American Dad, c'est pour les gros. Voilà, American Dad, bien sûr. Mais carrément, c'est un des autres grands mystères. Quand on parle avec les gens de la télé, ils continuent à dire nous, des Français viendraient nous proposer Bob l'éponge, on le prendrait pas. Et Bob l'éponge, on sait que ça a mis 10 ans à naître aux États-Unis. Donc, il y a ce truc quand même, ils reconnaissent qu'il ne ferait pas confiance à un projet comme ça par des Français. Oui, parce que les Simpsons, c'est quand même la Fox. Ce n'est pas la chaîne la plus progressiste qu'on connaisse, en plus. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Oui, non, mais c'est... il faut une case. Mais à mon avis, c'est un problème plus large. C'est qu'actuellement, à la télévision, même pour les adultes, on ne s'adresse pas aux 15-49 ans. Il faut savoir. C'est-à-dire que moi, là, Mélanie Duval, aucune chaîne ne me parle à part Arte le jeudi soir, qui diffuse des séries maintenant. Real Human, c'était vachement bien. Et là, ils se sont dit, on a fait un score incroyable sur les 15-49. Le reste des chaînes ne s'adressent qu'aux 50 ans et plus. Donc à partir de là, en effet, les 50 ans et plus, les dessins animés, laisse tomber. Enfin, je veux dire, déjà, les séries trop cool, laisse tomber. Alors, les dessins animés, même pas en rêve. Plus maintenant, puisque les 50 ans, dans 20 ans... on sera dans les 50 ans. Non, mais il y a quand même. Je reparle de Pierre Siracusa à chaque fois, qui est mon idole, vous l'avez compris. Il a quand même fait la nuit de l'anime sur France 4, non? Où il a mis que des trucs pour adultes. Et évidemment que je sais qu'il a bon espoir d'ouvrir France 4 à de l'anime plus adulte, hein. Bah, ce serait. Et après, quand même, notre grand espoir, c'est Internet aussi. Non, moi, je pense qu'il y a des trucs qui naissent sur Internet. Il faut qu'on soit taré, qu'on produise des trucs sur Internet. Le problème d'Internet, actuellement, c'est le financement, en fait. Ouais. Et ça va changer. Il y a Netflix, par exemple, qui commence à sortir des séries uniquement pour Internet, parce qu'il y a un public de vidéos en demande, de gens qui payent. Mais actuellement, une série d'anime, ça coûte tellement cher que c'est le genre de truc, tu peux pas te dire, je prends ma caméra et puis hop, pof, on va tourner un truc vite fait au café. Quoi. C'est, je vais prendre ma caméra, 800 personnes, on va faire un truc vite fait sur 2 ans. Donc on fera une émission en effet sur, sur les changements. Voilà, c'est vite Croc-Anime, on voit un message, il faut faire la révolution, on va tenter de la faire. En attendant de faire la révolution, parce qu'il faut la faire en effet, on va écouter une petite pause musicale avant de revenir avec Yasmine pour parler de son travail. On va écouter, allez tant pis, elle fait 5 minutes 02, je voulais passer Jeff Buckley, je n'en connais pas la fin, tant pis pour Jeff. On va écouter, ouais je l'appelle Jeff, on fait même plus là, mais bon, on va écouter Wax Taylor, Sit and Listen, donc qui est pas la mais qui est celle d'après, qui doit faire 4 minutes 04, et on écoute l'extrait aussi qui est juste après, on enchaîne les deux. Merci Nicolas, on revient donc pour déjà terminer Bulle de Rêve, à tout de suite. Hello, everybody. I'm going to tell you a delightful story. Now, I want you to make yourselves comfortable and settle back. Now, are you all ready? Here we go. This is the musical story, the famous music school of Professor Tippy Taylor. Aren't you surprised to hear the musical instruments sing and talk? The story is filled with surprises, and a big surprise for you. He didn't talk words, he went... It sounded so good. We would like to hear more music. And they started to play. To find a musical story like that. Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen. Saxophone. Making a terrible noise. There's no cure for this. I can't handle the case. They played and played to their heart's content. Until one day, had never really taken the time to listen to music and didn't know how wonderful it was. Our boy can't speak words. He goes... Instead. Well, I don't know how you can do it, but I'll let you try. The music is from... the orchestra. And a voice said... The music and the story go together very well. Thank you, my friend. Say goodbye. And just then we came to the end of this record. And now we're going to sing our ABCs. Il n'y a pas d'arc de triomphe pour la liberté. C'est peut-être une chance, mais il y a toujours un puits pour la vérité, surtout de nos jours et en nos régions, car les vérités de la police sont les vérités d'aujourd'hui. Demandez donc à ces messieurs ce que c'est aussi que la vérité, ce que c'est que la liberté. Sûrement, ils auront réponse à tout, mais ils oublieront cette réponse d'un enfant. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Et s'ils trouvent à leur oubli l'excuse de ne l'avoir jamais entendu, ils trouveront, en relisant Gérard Nerval, qui écrivait « L'ignorance ne s'apprend pas, l'excuse de l'avoir jamais lu ». Alors tout ce que vous entendez, hein, Jacques Prévert, là, notamment là, qui parle de la liberté, on aura un autre petit extrait de Jacques Prévert tout à l'heure, peut se retrouver, pour ceux qui ne veulent pas payer sur YouTube, une partie, tout n'est pas malheureusement dessus, sinon sur le site de l'INA, qui propose en effet quelques petits moments avec Prévert comme ça. Juste avant, on a entendu donc ABC Double Speak, pour bien parler, et qui est donc un film de Yasmine Fanari, qui est là. Merci d'être là, Yasmine. On va parler un petit peu plus doucement. Elle parle très bien français. Merci. Voilà, on va essayer un peu de parler. On va juste te demander, par contre, de te rapprocher, rapprocher le micro, voilà. Mais on s'entend bien. Donc, nous, on ne connaît pas du tout. Quand j'ai regardé, alors sur le site, il y a marqué, en fait, tu commences l'animation quand tu es en Syrie. Mm-hmm. Déjà, il y a des écoles d'animation là-bas ou c'est Fine Arts, c'est ça, hein, ouais. c'est les beaux-arts. Et j'ai fait les communications visuelles. Alors, j'ai fait le graphic design pour, je ne me rappelle pas combien de temps, mais pour longtemps, avant de prendre la décision et partir en Angleterre pour étudier l'animation, parce que ça n'existe pas en Syrie. En Syrie, il y en a de l'industrie de l'animation, mais il n'y en a pas les études. On ne fait pas les études. Alors, tous les animateurs, ils font l'animation par leur propre expérience. Directement dans le studio, en fait, qui voilà. Sont... par exemple, j'ai vu que tu avais travaillé donc, en 2004-2006 pour un studio qui s'appelle Star Animation, c'est ça ? Oui, Star Animation. Donc là, c'est quoi ? C'est plutôt des produits pour la télé, des séries ? Oui, ils ont, c'était une entreprise, ou bah, on ne peut pas dire entreprise, c'était plutôt un production house qui a préparé leurs propres séries pour la télé. Mais malheureusement, ils n'ont pas... eu les moyens pour diffuser, pour finalement diffuser leur production. C'est vraiment quelque chose de très particulier dans notre monde, dans le monde arabe, que il y en a des chaînes qui sont complètement cassées. Ça veut dire que il y en a jamais des projets qui sont terminé ou final. Il y en a toujours des bonnes volontés, mais c'est toujours coupé quelque part. C'est-à-dire que là, tout le discours qu'on vient d'avoir pendant une heure et demie sur on pourrait faire des choses un petit peu plus pour les adultes, etc. Finalement, toi, c'est même des... Enfin, on est loin de tout ça, parce qu'il y a même pas de projet qui arrive à leur bout, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment très, très loin. Le monde où je viens, c'est vraiment l'autre univers. C'était vraiment un autre monde. Je peux comprendre, bien comprendre de ce qui se passe, de ce que vous avez parlé, mais c'est vraiment très très loin de notre monde. Qu'est-ce qui passe à la télé en animation, je parle en dessin animé. Est-ce qu'il y a des dessins animés qui passent pour les enfants, par exemple? Je suppose que oui. C'est oui. plutôt des choses qui viennent d'où? Les États-Unis. Avant tout, ouais. Avant tout. Des mangas, beaucoup de mangas. Mais c'est toujours très loin de la réalité arabe, si on peut dire. Et ça a créé des problématiques et des problèmes énormes dans notre éducation, parce que ce qu'on reçoit, c'est implicable. On ne peut pas le pratiquer. On peut pas, c'est quelque chose... On regarde les rêves, et on sait déjà que c'est impossible pour nous à vivre ces rêves. Alors c'est toujours, il y avait toujours des distances. Même les enfants les plus petites dans le monde arabe, ils savent bien cette réalité, et c'est tellement compréhensif pour eux à penser que nous sommes pas comme les autres. Ce qu'on voit, c'est très beau, ça existe, mais c'est pas à nous. Et c'est pas notre droit de vivre comme ça. Et qu'est-ce qui fait alors que toi, tu pars à Londres? Oui. Tu pars quand à Londres? J'ai parti en 2009. 2009? Oui, c'est fin 2009 en fait. Alors avant ça, tu fais un film, je suis désolé pour la prononciation, qui s'appelle Shabab Souri. Oui, Shabab Souri, oui. C'est qu'est-ce qui donne... Syrian Youth. Ouais. Qu'est-ce qui donne envie à une jeune réalisatrice syrienne de se dire, puisque tout ce qu'on me propose, c'est pas ma réalité, moi je vais proposer ce que je vois de la réalité, parce que c'est un film, c'est un court-métrage, ouais, qui montre une certaine réalité de la jeunesse syrienne, qui est notamment avec cette image assez forte à la fin où ils sont tous incrustés dans le mur. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de plus d'être dans le témoignage? Shabab Souri ou Syrian Youth, c'était ou jeunesse syrienne, si je peux traduire, c'était vraiment une cri pour dire que levez-vous, c'est ça notre réalité. Nous sommes vraiment, il faut pas, je pense pas qu'il faut seulement rire sur les blagues des autres. Nous sommes notre propre blague. Notre réalité est une blague. Et voilà, c'était vraiment ça. J'ai pas pensé à mon propre futur. J'ai pas pensé à mon profession. J'ai pas fait. À l'époque, j'étais pas une animatrice. J'étais pas encore une animatrice. Je faisais le graphic design. Et je travaillais dans une boîte de production qui fait les pubs pour la télé. Alors c'était toujours très loin de l'animation, mais j'ai eu cette idée et j'ai dit que voilà, je peux pas le faire en réalité, il faut le faire en animation. Et c'était vraiment, c'était pas pour faire l'animation, mais c'était plutôt pour dire que maintenant on vit notre propre blague. nous vivons notre blague, voilà. Comment est pris le film à l'époque? Parce que finalement, il est assez dur par rapport à finalement les gens de ta génération. Enfin, c'est même pas une critique, en effet, comme tu dis, des gens en place, du gouvernement ou autre chose comme ça. C'est dire, si on doit se bouger, c'est nous qui devons nous bouger. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec toi, qui te disent t'as été trop loin ou Oui, il y en a certaines personnes qui m'ont dit ça, même mes parents par exemple m'ont dit que est-ce que tu es sûre que c'est ça va, tu peux faire ça, c'est pas trop dangereux. Et moi j'ai dit que c'est l'animation, personne n'intéresse à l'animation, c'est pas sérieux déjà pour l'État, pour tout le monde. L'animation c'était toujours les cartoons, alors c'est toujours pour les enfants, c'est pas sérieux. Et j'ai pas mis des paroles. Il n'y a pas une discussion où les personnages sont muets. Alors c'était un film muet, si on peut dire. C'était pas risqué. Mais ce qui m'a vraiment encouragée à continuer, c'était ce film-là, parce que c'était la première fois où j'étais parmi des gens qui sont qui viennent de tous les tranches de société. Et ils ne sont pas des artistes, ils ne sont pas des animateurs, ils sont des gens normaux comme ça, qui ont eu la chance pour entrer dans la salle du cinéma. C'était gratuit. Et ils n'étaient pas préparés à voir de ce genre d'animation. Ils étaient préparés pour voir des choses qui sont moins sérieux. Et malgré tout ça, j'ai eu ils ont réagi d'une façon très sincère, très c'était choquant pour moi, mais c'était tellement agréable. J'avais des gens des femmes voilées par exemple, des petits qui parlent d'un accent étrange, par l'accent de Damas, qui m'ont dit qu'il faut continuer, nous voulons voir qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe avec le mec qui entre dans le mur. Et moi je me dis que voilà, les gens, l'animation c'est la langue qui peut parler avec tout le monde. Et c'était vraiment, à l'époque c'était pas risqué, mais après la diffusion ou la projection de film, j'ai senti que ça pourra être un peu risqué, c'est un peu dangereux, parce que après ça l'État ou pas l'État, les autorités, ils ont réalisé que il faut pas regrouper les gens. Ouais. Il faut pas construire un avis collectif. Voilà. Est-ce que maintenant que tu es en dehors de Syrie, et avec évidemment tout ce qui se passe, c'est encore plus renforcé cette envie pour toi, cette envie de justement de témoigner, de continuer à témoigner. On a l'impression que même c'est beaucoup plus radical dans les films comme ABC Double Speak, où on va parler de ton prochain projet. On a l'impression que c'est beaucoup plus radical, mais aussi pas uniquement par rapport à la Syrie, mais par rapport à la communauté internationale, j'ai l'impression. Par rapport à ce qui se passe, on a l'impression que tes films aujourd'hui, là ton film était par rapport à la jeunesse syrienne, et maintenant que t'es à l'extérieur, on a l'impression que t'as envie aussi de faire réagir à chaque fois les gens qui sont autour de toi. Et là, donc, c'est plutôt les Français, les Anglais, quand tu étais... Oui, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est simplement moi-même. Maintenant, moi, Yasmine, qui vit en France, qui parle en français, qui a des amis français, qui a une famille française, si j'ose à dire, je ne peux pas rester, je ne peux pas faire les mêmes choses comme je faisais en Syrie. Moi, j'ai changé. Alors, je ne peux pas... c'est normal, je pense. C'est normal de changer les sujets, de changer les façons de communication, d'expliquer les choses. Alors, je pense pas aux téléspectateurs ou aux gens qui vont recevoir mes œuvres, mais c'est moi-même. J'essaie de m'exprimer simplement. Est-ce que tu as l'impression que tu vas un petit peu plus loin aujourd'hui dans cette façon de s'exprimer ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça m'a influencé ce qui se passe maintenant dans le monde arabe, le printemps arabe, ce qui se passe, la révolution syrienne et tout. Et J'ai beaucoup d'espace ici. Je suis libre, vraiment. Je suis pas tellement libre parce que je sens que je suis toujours under suspicions, ouais, des autorités en Syrie, et j'ai toujours une famille en Syrie. Mais avec ça, si je parle pas d'une façon très provocante, je peux sentir ma liberté. Je sais pas si c'est clair ou non. Mais oui, j'en profite d'être ici en France. Et voilà. Et ton prochain projet, lui, essaye plutôt de passer par les enfants. C'est-à-dire de montrer en effet la difficulté. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on s'est rencontrés avec Delphine au FICAM pendant le festival. Et quelque part, vos projets finalement pas se retrouvent parce que c'est deux choses. Mais les grandes vacances passent par la guerre, par les enfants. Et toi, il y a aussi cette envie de montrer que un enfant, et tu nous en parlais en disant que c'était terrible, parce qu'un enfant qui naissait aujourd'hui en Syrie ne connaît que la guerre, et que finalement c'est terrible comme vision, parce que une grenade c'est son quotidien, enfin voilà, ce genre de choses, les tirs c'est son quotidien, voilà, et ton dernier film qui va passer beaucoup sur la bande son, oui, en fait joue beaucoup là-dessus. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, mon prochain film c'est un carnet de voix. C'est basé sur des témoignages faits par plusieurs enfants réfugiés, syriens réfugiés, qui sont en train de décrire c'est quoi les bruits et les sons de la guerre qui restent dans leur esprit, dans les mémoires. Alors, c'est très très intéressant pour moi parce que moi j'ai vécu. J'ai pas vécu la guerre en Syrie, j'ai vécu la révolution. C'était une révolution au départ. Après, toute cette violence est tellement. C'est bizarre, c'est nouveau pour moi. Alors, moi, j'ai pas vécu ça. Par contre, ces enfants-là, ils ont vécu ça. Et c'est très difficile à effacer ces bruits. Très lourd dans la tête. Alors c'est ça, c'est comment moi, quelqu'un qui a vécu le pacifisme, peut réagir ou peut expliquer ou peut dessiner les bruits et les traumas que ces enfants ont vécu. C'est un film. Comment on produit ces films-là quand on a y a des gens déjà qui t'ont dit oui. Évidemment, c'est un sujet qui est très fort. Est-ce qu'il y a déjà des producteurs dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident par rapport à ça? Pas vraiment. J'ai mon mari avec moi. Il a une petite boîte de production, et c'était lui qui m'a encouragé. Il m'a dit que voilà, il faut investir, il faut vraiment commencer, c'est très sérieux, c'est un soulagement personnel en plus. Après ça, si c'est un bon projet, si l'idée est assez forte, on va trouver l'aide, simplement. Et j'ai pas encore promis, mais je pense que je sais pas, c'est intéressant pour plusieurs personnes. C'en est où pour l'instant au niveau de l'écriture? J'ai fait la première partie des témoignages en Égypte. Ça a changé un peu parce que c'était pas prévu ce que j'ai les témoignages que j'ai par les enfants l'étude graphisme aussi est presque là, c'est pas définitif. c'est beaucoup trop court pour parler de tout le travail de Yasmine. Il faut qu'on arrête maintenant, malheureusement. On va écouter les deux prochains morceaux qui devraient faire 2 minutes. On peut couper même dans le dernier morceau. Le dernier, l'avant-dernier, c'est Prévert qui parle de la censure et de la difficulté. Je trouvais que d'encadrer le témoignage de Yasmine par la liberté et la censure était important. Et comme c'est trop court, ben, j'espère que Yasmine, en fait, accepterait et reviendra nous parler de son travail ici même. Un petit peu plus en détail. Je pense que c'est important. On n'a pas eu le temps de parler de plein de choses. Donc, merci à vous trois d'être venus. Merci à Rémi aussi. Moi, je vais faire des bisous à mes enfants, Adèle et Achille. Ok, voilà, comme ça, c'est fait. Moi aussi, je leur fais bonjour. Et puis, voilà, merci beaucoup en tous à tous et on revient je ne sais pas quand. Le 25 mai. Voilà, merci beaucoup à Rémi. Merci pour votre accueil. Merci et merci à Nicolas. Merci. Mais de même que tout à l'heure, si j'avais lu à haute voix d'autres textes écrits par les mêmes hommes, la censure, bien qu'elle n'ait pas la parole facile pour se légitimer publiquement, aurait tout de même dit son mot. De même, si je lisais aussi, ici, à haute voix, l'histoire de cet ange, garde-chaume par ailleurs, elle trouvait aussi son mot à dire, fort aimable bien entendu, en mettant sa main non moins aimable, mais salutaire, devant le microphone. Car ainsi que cela m'est arrivé dernièrement, elle veille avec un louable éclectisme sur la radio, aussi bien que sur le cinéma. C'est le moyen d'expression qui emploie aujourd'hui des images et des voix vivantes de temps en temps. Et son édifiante vigilance s'applique non seulement à veiller sur la vertueuse et nécessaire innocence des moins de 16 ans, mais également, et même surtout, et même davantage, sur celle des moins de 5 ans, de 50 ans, de 60 ans ou de 100 ans. Enfin, espérons que le jour du grand final total, nous pourrons dire ce qu'il nous plaira de dire là-haut, en haut lieu, devant le très haut micro.